Bonjour et bienvenue dans 7ème fréquence. Bon, on est avec la team habituelle. Comment est-ce que ça va, les gars? Eh ben, ça va très bien. Ça va super. Ça va comme d'hab. Ok, super. On va commencer par les news de la semaine comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau cette semaine? On va commencer par... Est-ce que vous saviez que les films à bord des avions étaient censurés? Ah, pas du tout. Pas du tout, hein. Première surprise. Ça a fait polémique récemment avec Olivia Wilde, notamment, et son nouveau film qui s'appelle Booksmart, qui ont fait les frais d'un cut entre d'une scène... Il s'agissait d'une scène de sexe entre deux femmes. Et en fait, il s'avère qu'il y a une entreprise qui est spécialisée dans les cuts pour les entreprises d'avions. Par exemple, Hit de Michael Mann a été censuré pendant un bon petit moment. Je vais y venir après, hein. Et donc, par exemple, on a aussi une scène de striptease dans The Full Monty où l'entreprise a posé des petits carrés noirs sur les fesses pour censurer le truc. Alors en fait, ça viendrait du fait que les entreprises... tout simplement les entreprises... d'aviation. Ouais, exactement. Pardon, les entreprises d'aviation ne partagent pas toujours les mêmes valeurs que les films. Par exemple, et ça, c'est des choses qui me paraissent bizarres, dans les avions, ils ne passent pas des films comme Seul au monde, Destination finale ou Des serpents dans l'avion, tout simplement pour éviter de faire paniquer les passagers. Ça, je peux comprendre, pour le coup. Ouais, je peux comprendre aussi, ça peut créer une sorte de psychose chez les passagers. Ouais, ouais. Par contre, pour ce qui est, par exemple, scène de striptease ou scène de sexe, enfin, Olivia Wilde, elle a été interrogée il n'y a pas longtemps, et elle est absolument choquée que son film, il a été charcuté comme ça, quoi. Parce qu'ils ont pas... peut-être peur que les gens, ils se branlent dans l'avion, du coup. Bah, je sais pas, mais... Enfin, même pas, parce que, par exemple, Hit de Michael Mann a été censuré. Est-ce qu'on sait quelle scène dans Hit? Trop violent, ouais, je sais pas. Ouais, parce que, pour le coup, je l'ai vu pour la première fois il n'y a pas si longtemps que ça, Hit, là, et j'arrive même pas à me souvenir. Je vois pas quelle scène aurait été censurée, en fait. Alors, il y en a plein après, hein, tu sais, pour une compagnie d'avion, il y a peut-être beaucoup de trucs qui sont violents. Mais après, ouais, ça peut justifier par le fait que la personne derrière, celle qui regarde le film, peut regarder. Donc, mais derrière, il y a le ciel. Ouais, il y a le ciel. Tu peux regarder entre les sièges, genre les enfants ou tu vois les. Ouais, enfin, au bout d'un moment, c'est plus le problème, tu vois. Dans ce cas-là, on n'impose plus d'écran et voilà. D'autant qu'avant qu'il y ait vraiment les écrans là, dans les avions, à l'époque, c'était des projections communes avec deux écrans par rangée qui descendaient. Et ils mettaient le noir dans l'avion, tu vois. Donc peut-être que ça vient de là et qu'ils l'ont gardé. Ou alors, peut-être que c'est nouveau. À vrai dire, j'ai pas trouvé d'infos, mais a priori, ça ferait longtemps que ça existe, quoi. Mais personne s'était oublié plus que ça, quoi. Elle appartient à Disney, la société, là, qui cut les... Écoute, c'est bien possible. Et il s'agit que des films de la Fox, en plus. On va passer à Damien Chazelle. Joss nous a gentiment partagé cette news sur... le Twitter de 7ème fréquence. Film sur donc qui s'appelle Babylone, un drame qui évoque l'apparition du cinéma parlant porté par Emma Stone et Brad Pitt. Il y aura pas Vin Diesel dedans par rapport au film qu'il avait fait, mais bon, vous avez pas fait. Ah oui, Babylone AD, ouais. Ah oui, de Mathieu Kassovitz. Non, il y aura pas Vin Diesel, t'inquiète, hein. Bon, Damien Chazelle, de toute façon, je suis pas sûr qu'il proposera un rôle à Vin Diesel, mais bon, ma foi. Je pense pas. Alors là, où je vais peut-être vous étonner, je sais pas, est-ce que vous étiez au courant de la news ou pas? À part c'est qui les acteurs déjà? Tu m'as dit? Brad Pitt et Emma Stone. Putain, ça va être fou. Alors déjà, ouais. J'ai découvert la news sur Instagram parce que j'avais pas Twitter. Bon, ça, tu le sais, voilà. Ouais. Et ouais, non, j'ai appris ça dans la semaine aussi. Et là où ça va peut-être vous étonner, je sais même pas toi si. Peut-être, je pense que tu le sais, Joss, le film est rated R. Ce que je trouve très bizarre parce qu'on parle quand même de l'apparition du cinéma parlant. Comment, enfin, je vois pas comment le film peut être rated R en fait. Bah, c'est vraiment ça la curiosité du film parce que, ouais, c'est ce que je me suis posé comme question quand j'ai vu que ce serait rated R. Et du coup, ouais, c'est un très intéressant et ça promet, moi je trouve. Et du coup, j'ai hâte de voir déjà même la première bande-annonce parce que du coup, on aura peut-être un petit élément de réponse. Mais ouais, c'est très, très, très intéressant. On a le temps, hein, je pense. Par contre, truc bizarre, il sort en même temps qu'Avatar 2, donc au niveau du... Je sais pas comment ça va se passer du tout. Mais ils vont peut-être moduler le planning. Ouais, ça va modifier ça. Ça va changer. Ouais, de base, s'il le prévoit comme ça, c'est quand même pas très smart, je pense. Mais après, s'il y a un problème sur le tournage ou... Bah, à mon avis, plus sur le tournage d'Avatar que sur le tournage de Damien Chazelle, je pense. Mais bon, ouais, franchement, très très hâte, du coup, parce après, que ça peut Damien Chazelle... par le fait qu'il y ait une relation assez nocive entre les deux, peut-être. Enfin, je connais pas vraiment le... Ouais, non, mais il ferait pas ça. Enfin, ce serait vraiment en défaveur de Damien Chazelle de faire ça, tu vois. Après, je sais. Avatar 2, ça fait longtemps qu'il est calé. Enfin, il a été décalé, mais ça fait quand même un petit moment qu'il est calé maintenant. Je te parle du Rated R. Ouais. Et quoi, c'était quoi, pardon? En fait, je t'ai dit que ça pouvait justifier par le fait qu'il y ait une sorte de relation nocive entre le duo d'acteurs, là. je me dis que ça peut être, ça peut tourner autour de ça, autour d'une. Ouais, mais je vois pas, tu vois, à part de la violence graphique ou du sexe, je vois pas qu'est-ce qui, tu vois, genre le Joker, c'est rated R, mais parce que je vois pas, tu vois, un film de Damien Chazelle psychologiquement aussi prenant que un Joker, par exemple. Donc je vois pas le rated R à part des choses graphiques. Bon, ce qui m'étonnerait pour le coup chez Damien Chazelle, pourquoi pas. Mais je vois pas en fait comment le justifier. Mais justement, c'est intéressant de savoir ce qu'il va faire. Après, oui, il pourrait nous prendre au dépourvu. Totalement. Moi, Damien Chazelle, je lui fais totalement confiance. Ouais. Il a fait des dingueries. Donc, bah pour moi, c'est un virtuose. Whiplash, La La Land et First Man. Totalement. Et une série pour Netflix, je crois. Ouais, avec Leila Bekti d'ailleurs dans l'un des rôles principaux. Ah. Étonnant. C'est quoi la série? Une série Netflix qui sort dans un petit moment. D'accord, ok. Et du coup, là, le film là, que tu parles, on sait pas quand, enfin, ça, on sait pas de quoi ça va parler concrètement. Si, ça parle de l'apparition du cinéma parlant. Ok, d'accord. Ok, ouais. Ça va se situer dans la fin des années 20. Ils vont certainement parler du chanteur de jazz. C'est le premier film parlant de l'histoire du cinéma. Donc, à voir. Damien Chazelle aime bien le jazz en plus, donc ça tombe bien. Ouais, ça fait bonne liaison. Totalement. Troisième news, The Witcher renouvelé pour une saison 2, déjà. Bah, c'est très curieux, mais c'est prometteur. Je suis pas d'accord avec toi, Joss. Pourquoi? Bah, c'est pas curieux dans le sens où il prévoit de faire 7 saisons, je crois. Je crois qu'il y a même un truc oui. Sur 20 ans. Hein. Sur 20 ans, ouais. Sur 20 ans. Oui, alors pour ça, je suis d'accord, mais que tu annonces la saison 2 alors que la saison 1, elle est quand même toujours pas sortie, moi, je trouve que c'est quand même assez étonnant. En principe, t'attends moins qu'elle commence pour l'annoncer, mais du coup, je pense que ça, c'est prometteur, parce qu'à mon avis, ils ont dû être très contents du résultat de la saison 1. Donc, je pense qu'ils ont vraiment confiance et peut-être même qu'ils vont les enchaîner assez rapidement, non? Peut-être l'une et l'autre. Possible, je sais pas, mais je pense qu'il y aura un rythme assez classique d'une saison par an, peut-être. C'est rarement classique chez Netflix, mais ce serait bien que ce soit comme ça. C'est vraiment classique pour les trucs genre Casa des Papel où ils tournent deux saisons d'un coup, tu vois, et que vraiment il y a une hype de ouf. Mais par exemple, Stranger Things, tu vois. C'est tous les deux ans. La Casa des Papel, c'est différent. Que je dis pas de bêtises, là, ça serait comme ça, on serait à la saison 2, parce qu'ils séparent en fait leur saison en deux, en fait, c'est des parties. Ouais, mais c'est complexe ça à voir parce que déjà ils font souvent des parties chez Netflix et ensuite Stranger Things, tu vois, c'est pas Stranger Things saison 1, saison 2, saison 3, Stranger Things 1, 2 et 3. Et Netflix, ils ont vraiment un mode bizarre pour le cut de leur série, tu vois, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ouais, par contre, pour en revenir à The Witcher, il y aurait combien d'épisodes pour la première saison? Est-ce qu'on le sait ça ou pas? Je dirais 10. Moi, je dirais plus 8, peut-être. Ouais, je crois que c'est 8. Je suis pas sûr, mais il me semblait avoir vu 8. Bah, 10, ça me paraît beaucoup, parce que c'est quelque chose de très ambitieux, quand même. S'ils veulent faire des épisodes un minimum longs, ce qui mériterait ce que n'a pas The Mandalorian, mais on y reviendra après, je pense que 8, c'est vraiment le truc idéal. Peut-être même 6, hein, en vrai, si c'est très long. Après, ils ont peut-être commandé une saison 2, parce qu'il n'y a pas eu des projections presse, un petit peu, ou pas? Presse, non, mais il y a eu les projections test, comme d'hab, que Netflix fait. Et je pense que ça fait quand même un petit moment qu'ils prévoient de... Ils annoncent la news maintenant, mais je pense que ça fait longtemps qu'ils ont en tête une saison 2. D'accord. Okay. Mais après, je pense que c'est récurrent pour ce genre de série. The Walking Dead, la série The Walking Dead, elle est renouvelée avant le lancement des saisons en cours. Ouais, mais The Walking Dead... C'est assez récurrent sur des grosses séries comme ça. Certes, mais The Walking Dead, c'est plus une grosse série. Hein. Ouais, enfin, c'était une grosse série, et puis ça reste quand même... Ouais, mais genre quand ils ont balancé la première saison là, de 6 épisodes... Honnêtement, je sais pas si la saison 2 était tout de suite prévue. Hein. Je pense qu'ils faisaient un test d'abord. Ah non, mais je parlais des saisons suivantes. C'est normal. Là. C'est rentré, on va dire, à The Walking Dead. Ils savent très bien qu'ils perdent, des gens, on va dire. Mais je dis, c'est pas grave. On a quand même assez de personnes quoi, pour continuer. Ouais, ils ont une fanbase solide. Voilà. Moi, je la regarde, la série. Je sais qu'elle est moins bonne que les premières saisons. Mais je la regarde. J'aime bien regarder, quoi. Moi, je la regarde aussi, ouais. Mais depuis que je trouve, peut-être tu confirmeras ou pas, Jérém, moi, il y a une époque où vraiment j'étais très très fan et je suivais toutes les actus, je regardais tous les trailers et tout. Et depuis que je me dis la série, elle est un peu moins quali, je me détache de tout ça. Même les critiques, j'en regarde très peu et je rate pas les trailers, tout ce qui est news, etc. Et je trouve que du coup, tu découvres un peu plus et un peu mieux la série, quoi. Ouais, moi, je regarde aucune news, rien du tout. Avant, c'est vrai que je regardais un peu plus. Je regarde vite fait, allez. Une ou deux critiques par épisode, voilà, mais pas tout le temps. Et là, je trouve que la saison 9 et saison 10, elle est largement plus quali. Hein. Là, on a rehaussé un peu plus le niveau. Là, j'aime beaucoup là, ce qui se passe. Là. La 8, elle était un peu relou, ouais, j'avoue. Mais là, en ce moment, c'est un petit peu mieux. Quoi. Bon, ça reste pas à l'époque des grandes saisons, mais ça reste mieux. Quoi. clairement, bah, y a du mieux. Y a du mieux. J'aime bien ce qui se passe avec Negan et tout. Voilà. La 8, je trouve qu'elle était gâchée en soi. En fait, ils ont gâché un événement qui était très important. Donc, je trouve que ça a été gâché. Ça a été pas très bien réalisé, en fait. C'est surtout des défauts de réalisation. Bah, le showrunner, il était un peu claqué. Hein. Ah bah ouais, c'était Scott Gimple, c'est ça? Scott Gimple, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai que c'était pas ouf. Est-ce que... Bah, je suppose que vous le savez, en ce moment, il y a pas mal de feux de forêt en Californie. Il y en a un, en ce moment... qui se rapproche de Burbank, aux environs de Burbank, et à côté du studio de la Warner. Romy, il me regarde parce qu'il sait de quoi je vais parler. Dans les studios de la Warner, en ce moment, il y a qui ? Il y a Clint Eastwood qui est en train de terminer son dernier film, Le Car est chargé well. Il veut vraiment fumer qui arrive sur le studio Warner, Scott Eastwood qui fait une vidéo, et il explique qu'en fait, tout le monde évacue d'urgence, et les vigiles, ils viennent voir Clint Eastwood pour qu'il évacue, et il leur disent « Bon, monsieur, faut y aller ». Et juste Clint Eastwood, il a dit « Bon, bah, désolé les gars, nous, on a un film à finir, on reste là, quoi. » Le mec, il a 89 balais. Et il veut pas sortir, quoi. Alors que juste dans 2 minutes, les studios de la Warner, ils sont en train de prendre feu. Donc bien joué à lui. D'autant que je crois que son timing, il est relativement serré, puisque le film sort dans un mois aux États-Unis et il doit être sur la post-prod, là. Donc, je sais pas quoi dire, à part que, quel cinéaste, quel grand cinéaste. Sacré cool. Ouais, c'est vraiment. Je sais pas si on peut appeler ça grand cinéaste. J'aurais dit plutôt prendre des risques pour rien, peut-être. Ah non, mais je parle de Clint Eastwood de manière générale, pas de ça. Ok, d'accord. Je me dis que le mec est fou, quoi. Bah après, là pour le coup, je trouve qu'il fait un peu. Il joue un peu son personnage de la mule, mais dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est pas étonnant de venant de lui, quoi, j'ai envie de dire. Mais ce serait pas un coup de com' de la part de. Non, parce que sur la vidéo sur la vidéo même de Scott Eastwood, ouais. D'ailleurs, Scott Eastwood et Clint Eastwood, c'est bizarre, ils sont rarement ensemble. Et par exemple, quand il parle de son père, Scott Eastwood, dans la vidéo, là, il dit « My father », tu ne le dis pas, Clint Eastwood. Ouais. Et tu vois le feu, en fait, qui est pas loin, et la fumée qui est au-dessus des studios de la Warner, tu vois. Ah ouais, donc il était vraiment inquiet pour… Mais il était là en mode, dans la bio, il était là en mode les vigiles sont allés voir mon père, mais il ne veut pas sortir. Qu'est-ce qu'on fait, quoi, les gars? Bah, on va pas tarder à devoir le transporter de force, donc bon. En tout cas, bien joué à lui, si ça nous permet de finir le film. Je crois qu'on en avait parlé, d'ailleurs, du trailer. On en avait parlé au tout début. Possible, possible. Eh bien, écoutez, très bien. Passons à You. Est-ce que You, saison 1, vous l'avez vu? Non. J'ai vu que le premier épisode. T'as pas aimé? Ah, j'ai trouvé ça épouvantable. Moi, j'ai vu aucun épisode, moi. J'ai vu aucun épisode. Okay. Bon, j'ai torché la saison. Apparemment, je suis tout seul. Eh bien, écoutez, il y a la saison 2 qui sort le 26 décembre. Ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps. En vrai, c'est sympa, mais... Le premier épisode, j'avais trouvé ça tellement incohérent dans tout ce qui se passait, quoi. Putain, ça m'a... Ah ouais, c'est vraiment pas pour moi et j'ai vraiment détesté. Du coup, la saison 2, bah, ça sera sans moi aussi. Tu sais qu'à force, les auditeurs vont se demander ce qui est pour toi entre ça et les films de Noël pour la ménagère et tout ça. On s'en sort plus, quoi. Eh ben, si vous voulez savoir ce qui est pour moi, allez sur ma chaîne YouTube et vous aurez les réponses. Il y a Batman. Batman, voilà, que Batman. Moi, je dirais qu'il y a du Batman. Et Joker. Hein. Et Joker aussi. Ouais, tout ce qui est Gotham, quoi. Bah, quelque part, Joker, c'est Batman, quoi. Ouais, non, ouais. Mais après, tu me parles de You aussi. Parle-moi de trucs de la qualité, You, tu vois. Ok, ok. On va y arriver. T'inquiète, on va parler de Bad Boys 3. Bah, Bad Boys 3. Oh, putain. Le nouveau trailer. Ah, on en parle, là, maintenant ? On en parle maintenant, ouais. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'au début du film, ils font une blague sur Batman. Au début du trailer, pardon. Ah, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, j'ai vu ça. Mais en tout cas, c'est une belle transition parce que quand t'enchaînes You et Bad Boys, c'est que là, vraiment, on est dans la partie de la vidéo où on va parler que de la merde. Donc, c'est très bien qu'on enchaîne l'un et l'autre. Mais t'inquiète, il y a d'autres trucs après. Ouais. Mais du coup, ouais, bon, la bande-annonce de Bad Boys 3, moi, j'ai trouvé ça un ringard. Parce que pour moi, c'est ringard, ce film et même cette saga. J'ai jamais aimé Bad Boys, je trouve ça naze, mais naze. Et du coup, voilà, ça essaye de faire des blagues, mais putain, j'ai pas souri une seule fois. Et puis Will Smith, j'arrive pas, rien que dans la bande-annonce, de voir ses mimiques qu'il fait dans tous ses films là, avec sa bouche en cul de poule, mais ça me... c'est épouvantable, hein. Nul. Bah, je sais pas pourquoi on te demande ton avis à toi, mais du coup toi, Jérém, qu'est-ce que t'en penses ? Bah moi écoute, j'étais plutôt étonné en fait quand j'ai vu cette bande-annonce là, bon j'en attends pas un film grandiose, je me rappelle avoir apprécié le 1 sans être comme un dingue, le 2 j'aime beaucoup le 2 moi par contre, le 2 c'est vrai que c'est un bon petit film divertissant, je sais pas, celui-là j'irai le voir sans problème parce que la bande-annonce m'a fait un peu rire avec sa petite face sur la Batmobile et tout là, ça va faire un peu rigoler, donc ouais, allez, pourquoi pas celui-là. Bah, je trouve que la deuxième bande-annonce est bien meilleure que la première, surtout. Et je suis d'accord avec toi. Mais ils ont mis l'accent sur l'humour, surtout. Et sur l'action. Ouais. C'est que ça. Le scénario, tu comprends vite fait ce qui se passe, mais c'est vraiment ouais, l'action et l'humour. Par contre, je sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi, mais quand j'ai vu la deuxième bande-annonce de Bad Boys 3, donc c'est là. Ouais, j'ai eu l'impression de voir Top Gun 2, Top Gun Maverick. Dans cette opposition entre la nouvelle génération... J'ai pas vu génération... le trailer de Top Gun Maverick. Ah, bah, je te laisserai la voir. Ouais. Je sais pas si vous avez pensé ça, monsieur. Bah, moi, je n'ai pas vu non plus la bande-annonce là, qui parle. Donc, écoute, ma foi, je la regarderai aussi. Non, mais du coup, je comprends ouais, ce que veut dire Romu, je comprends. Mais je trouve que Top Gun Maverick vend beaucoup mieux son film, la bande-annonce voit beaucoup mieux son film que la Bad Boys. Voilà, comme vous dites, c'est des blagues pour moi qui sont nulles et de l'action qui va pas être ouf. Ça des cascades en voiture assez basiques. Et du coup, enfin moi, ça me branche, mais pas du tout. Et au moins, Top Gun Maverick, ça propose quelque chose. Alors après, peut-être ça sera nul et j'ai peur parce que j'adore le premier et faire une suite, je suis pas trop chaud sur l'idée. Mais au moins, ça propose quelque chose. Après, c'est sûr que de toute façon, la bande-annonce Bad Boy 3, elle n'allait pas être pour toi. Dans le sens où tu n'aimes pas Will Smith, tu n'aimes pas la saga Bad Boy. Il n'y a rien pour que ça te puisse rien pour moi. Ce film. Il n'y a rien qui est pour toi d'avance déjà. D'avance, ça, c'est clair. Tu étais sûr que s'ils font un Bad Boy 3 longtemps après le 2, déjà, c'est un peu pour la fan base, on va dire. Moi, j'aime bien, on va dire, en soi Bad Boy, même si ce n'est pas non plus mes films cultes que j'ai en tête. J'aime bien regarder de temps en temps, mais c'est vraiment le 1, plus je le regarde quasi pas, c'est souvent le 2 que je mate, je sais pas pourquoi. Le 2, j'ai toujours pu le trouver plus quali. Après, quand je dis quali, c'est pas non plus impressionnant. Je le regarderai juste pour... Non, pour mais après, c'est fun. Du cinéma divertissant, hein. C'est du divertissement popcorn, ouais, mais ouais, mais si on va par là, genre, tu vois, je regarde Endgame, je vais kiffer beaucoup plus, tu vois, c'est assez popcorn pourtant et tout, mais je vais kiffer beaucoup plus. C'est pas le même délire. Après, il y a quand même une diff majeure, c'est qu'il y a pas Michael Bell à la réal. Ouais. Oui. Ah, il y a pas Michael Bay, d'accord. Je sais pas c'est qui à la. Bah non, je pense qu'il est... non, il est occupé avec son nouveau film Netflix là, donc je pense qu'il est pas là. Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais. Non, mais c'est pas Michael Bay, hein, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Sinon, il l'aurait vendu, le réalisateur de Transformers et toutes ses chinoiseries quoi. Je crois que c'est deux réalisateurs belges. Ah ouais, bah c'est Will Smith et. Bah c'est une belle blague. Et Lorenz qui se sont mis en coréal. Ouais. Okay. Ils auraient dû prendre François Damien, au moins ça aurait été drôle. Par contre, je voulais revenir sur un point de la bande-annonce. Il y a un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est la scénographie. Cette lumière hyper jaune, là, dégueulasse. Ah, c'est... Ouais. Tu sais, Will Smith, il est encore plus bronzé que d'habitude. Incroyable. Mais ouais, c'est vrai que c'est très orangé. Ouais, c'est très orangé. Sauf les scènes de nuit. Les scènes de nuit, elles sont juste... Ouais, il y a des couleurs un peu néon. Et le 2 était pas un peu comme ça, déjà ? Bah, il n'y a que toi qui peux le savoir, parce que moi, je l'ai pas vu. Moi, de visu comme ça, je crois que le 2 était exactement pareil. Hein. Je pense qu'il l'était un peu moins, quand même. Là, ça fait vraiment orange, couleur de Donald Trump, quoi, tu vois. Bah, vu qu'on était quand même... Il y avait beaucoup de soleil et tout dans le 2, moi, j'ai le souvenir, où je sais pas, c'était très orangé, hein, quand même. Hein. Ok, bon, bah, écoutez, c'est possible. Dans tous les cas, c'est pas la même équipe technique, donc c'est différent. Quelque chose dont parlait la semaine dernière, les studios Blumhouse, on va passer au trailer de Nightmare Island. Je sais que bah, Joss, toi, c'est pas pour toi. Tu peux... dis juste, c'est pas pour moi si t'as pas envie d'en parler. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas pour moi. Voilà, très clairement. Après, par contre, je trouve que c'est assez intéressant. Tu vois, la bande-annonce, je la trouve assez fun. Alors, j'irai le voir. Tu vois, c'est pas pour moi, mais au moins ça, j'irai le voir parce que je trouve que c'est intéressant. L'idée de l'île, ça me plaît. Alors, ça n'a rien à voir. Mais j'ai kiffé le jeu Far Cry 3 qui se passait sur une île et ça m'a fait un peu penser à ça, tu vois. C'est pas forcément lié, mais ça m'a fait un peu penser à ça. Et du coup, voilà, j'irai après. Honnêtement, j'ai un petit peu peur du truc à la con, tu vois, ce genre de film un peu à la con, mais j'irai parce que ça m'a un peu intrigué quand même, je dois le reconnaître. Ok, d'accord. Et toi, Romu ? Moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est Jeff Wadlow à la réalisation. C'est lui qu'on doit Action Vérité, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est lui. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a Lucy Hale dans le rôle principal. C'est ça, certainement. Il y a aussi Michael Pena. Il y a Pignata, tout à fait. Donc ça fait super plaisir. Tout à fait. Mais non, moi je pense que j'irai pas le voir. Je suis pas le public visé. Je rejoins Joss sur le fait que ouais, c'est intéressant. L'île, voilà, c'est mystère, etc. Donc s'il passe dans notre cinéma, pourquoi pas. Mais... Ok, bon, moi je le regarderai sûrement pour le casting, mais. Au-delà du c'est intéressant l'île, en fait, le problème majeur, c'est que ben, on connaît déjà toute l'histoire. Et ça, c'est le trailer, il est absolument dramatique pour ça. Ah, ça, je suis totalement d'accord, ouais. Tu as totalement raison. Et on y reviendra après, mais c'est un peu le même problème qu'Invisible Man, d'ailleurs. Exactement. Man, putain, pardon. Alors ça, c'est encore pire, je trouve. Ouais, Invisible Man, c'est encore pire. Donc, on a qu'à passer directement à Invisible Man, sauf si t'as un truc à dire, Jérém, sur... Ouais, bah, j'avais un petit truc à dire, dans le sens où, quand j'ai regardé, j'ai eu très peur. Je me suis dit, ouais, ça va être ultra claqué au sol. Et finalement, au fur et à mesure de la bande-annonce, je me suis dit, ouais, ça a l'air d'être assez pas mal. Le casting est assez ouf, j'avoue. Pourquoi pas, mais ça n'a pas l'air non plus d'être dingue. Ouais, non, clairement. Ben, on reste sur un film Blumhouse, c'est un truc petit budget comme ça. Et c'est pas un remake de... Ben écoute, je sais pas. Si c'est un remake, je sais pas. Il me semble, j'en suis pas sûr du tout, mais... Blumhouse, c'est un remake. Je crois pas trop. Ouais, c'est pour que des productions, hein. Original. Black Christmas. Black Christmas, voilà. C'est un remake. Peut-être. Ouais, mais Black Christmas, c'est vraiment The film de Noël, quoi, tu vois. Le trailer de Invisible Man, film de Lee Whannell. Alors ça, je sais pas si c'est une production Blumhouse. Si, c'est une production Blumhouse. Oui. C'est Blumhouse qui a repris le projet d'Universal. Ouais, tout à fait. Tout parce à fait. Que la base, c'était rattaché au Dark Universe. Donc c'est une production Blumhouse. Il semble, je ne suis pas sûr. Non, mais il me semble que c'est ça, t'as raison. Puis Lee Whannell, t'as fait quasiment que des trucs avec Blumhouse. À l'image de son dernier Upgrade, excellent Upgrade. Est-ce que Invisible Man, ça tente quelqu'un ou pas? Ben moi, ça me tentait, mais la bande-annonce, ça m'a montré le film. Donc j'ai plus besoin de voir le film. Ouais, c'est un peu problématique cette histoire. Parce que franchement, la bande-annonce, t'es pris dedans, hein. Mais en fait, j'étais pris dedans comme si je regardais le film. Parce que franchement, j'ai vu tout le film. Hein. C'est aberrant de faire une bande-annonce comme ça. Alors, j'avoue que là, je cherche vraiment où est l'intérêt du film. Je pense pas que l'intérêt du film se base vraiment sur les révélations et ce genre de choses. Parce que déjà, que quand tu connais. Enfin, le film s'appelle Invisible Man, tu te doutes bien qu'il y a un mec invisible qui fait des chinoiseries, tu vois. Donc, je pense pas que vraiment que le film se porte là-dessus, tu vois. Je pense que ce sera plus un truc, une sorte de drame psychologique. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, mais... Pff, ouais. Par contre, j'ai trouvé la bande-annonce assez particulière. Parce qu'elle spoil tout le film. Non, pas seulement. Pour moi, elle est divisée en deux parties. Il y a une partie plus traditionnelle, la partie de mise en place qu'on a au début de la bande-annonce, et on a une partie plus Lee Whannell, la deuxième partie, en termes de mise en scène. Et de mise en scène quand il y a l'homme invisible, quoi. C'est ça. Okay, ouais, on retrouve vraiment le style de Lee Whannell. Bah, j'espère qu'on sera peut-être là pour sa réelle, parce que Upgrade était très très bon, moi j'en ai gardé un très bon souvenir. Toi, Jérém, t'as aimé Upgrade, non? Ah oui, yes. Ouais, franchement, il était bon. Hein. Il était très bon, celui-là. Ouais, c'est le mec qui est genre, qui a des pouvoirs un peu, genre il a un peu, il est balèze, c'est ça? Il a pas des pouvoirs, mais il est modifié. Donc ouais, il était très correct. C'est pas un film de dingue, mais franchement, il passe très très bien. Ah, moi, c'est une tuerie, je trouve. Pour revenir sur l'homme invisible, là, je trouve... Alors, la bande-annonce, ça fait rater tout le film, en fait. Enfin, en fait, la bande-annonce m'a donné pas envie de voir le film. Pourtant, l'idée de base a l'air bonne. Moi, j'aurais préféré que dans la bande-annonce, limite, il n'y ait que du mystère, en fait. Vraiment, ce côté, genre, on a l'impression qu'elle est folle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans la bande-annonce, on se dit, bon, elle est folle ou c'est vrai ce qui se passe? Mais genre avec très peu d'éléments. Ça aurait été tandis que... Bah, tandis que là, finalement, on voit que l'homme invisible, il bute des gens et tout. Donc, du coup, tu sais que c'est vrai. Après, le truc, c'est que comme c'est une histoire qui est déjà très célèbre, je dis ça parce que Invisible Man, c'est une. Oui, il y a déjà un film à la base. Hein. Ouais, ouais, à la base, très bien. Un film de l'Universal Monster. Ouais, comme le son Frankenstein, etc. etc. C'est ça. Et ouais, ça, je savais, mais il y a énormément de gens qui l'ont pas vu, style moi, genre je l'ai pas vu, je connais peut-être le nom, mais je connaissais même pas l'histoire, tu vois. Ouais, mais après, tu te doutes bien que, étant donné qu'on est sur un monster de l'univers, je sais pas si tu le savais, il y a une menace forcément qui est réelle, quoi. On est encore on est dans l'univers avec le truc de la momie de Tom Cruise, là. C'est rebooté. À la base, d'ailleurs, c'est Johnny Depp qui devait jouer l'homme invisible, je crois, chez Universal, et là ça a été rebooté et la plupart des projets sont repris par Blumhouse justement qui veut faire des trucs c'est dingue, ils l'ont rebooté 3-4 fois celle-là, c'est dingue quoi. Ouais, voilà, mais là pour le coup c'est Blumhouse, donc j'ai un peu plus confiance en la chose. Ah, j'ai des infos si ça vous intéresse. La franchise devait être lancée en 2014 avec Dracula, mais le producteur Alex Kurtzman décida de ne pas l'inclure malgré de bons résultats au box-office. La franchise est finalement lancée en 2017 avec le film La Momie. Donc bien joué. Mais de toute façon, c'est pas étonnant parce que déjà, il y a le logo du Dark Universe. Qui est grave stylé, d'ailleurs. Dans La Momie, c'est Universal, mais en barque, quoi. Bah, j'ai trouvé ça stylé. Ouais. Il n'y est pas pour Dracula, mais surtout, le film, il y a trop de diff entre les deux, quoi. Entre Dracula et La Momie. Il y a 3 ans de différence. Ouais, j'ai pas vu Dracula, en plus. Tu l'as pas vu? Bon, il est moyen, mais en vrai, pour lui, si t'aimes bien Luke Evans, ça passe le temps. et la fin est sympa. Bah, c'est un second couteau pour moi, Luke Evans. Luke Evans, ah putain, moi j'aime bien, tu vois. Ouais, enfin, on peut l'aimer, mais c'est pas l'acteur que tu vois au premier plan. C'est pas un acteur de premier plan, pardon. Bah, ça dépend. Ça dépend. John Lanto, tu le vois pas au premier plan, pourtant c'est un excellent acteur. Mais c'est pas un acteur qui me parle personnellement, Luke Evans. Ok. Je pourrais m'en passer. Ouais, écoute, mais il a peut-être fait le bon film, je sais pas après. Sonic aux Jeux Olympiques. Non, c'est faux, c'est pas Sonic aux Jeux Olympiques du tout, c'est juste Sonic. Le design a été refait, le nouveau trailer est sorti. Alors, je vais rentrer directement dedans. Pour moi, c'est un non, parce que Malik Bentala. Voilà. Alors voilà, là, t'as dit la chose, parce que je trouve que visuellement, il est beaucoup mieux, le Sonic, comme ça. Je trouve qu'ils ont bien fait de le refaire, parce que ça rend mieux. Mais la VF, ça va être impossible, quoi. C'est avoir en VO obligatoirement, quoi. À ton avis, coup de com, ou alors ils ont vraiment refait le design? Eh ben moi, depuis le début, je pensais que c'était un coup de com, et je continue à dire que c'est un coup de com. Ouais, en vrai, ce serait pas étonnant. Je t'avoue que mon cœur partage un peu, d'autant qu'après... Bah, pour avoir repoussé la sortie du film de 2 mois. Ils l'ont repoussé de 2 mois aux États-Unis, pas en France. Donc, pour nous, ça ne change rien. Ouais. Donc, tu vois, c'est peut-être en mode, on a prévu depuis longtemps la sortie, et on l'a fait semblant qu'on la repousse avant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, ils avaient plusieurs visuels, justement. Ils avaient plusieurs designs, peut-être. Plusieurs designs, ils ont fait un test, en diffusant la bande-annonce 6 mois avant la sortie. 4 ou 5 mois, je sais plus. Longtemps, hein. Et ils sont dit, ça marche pas, donc on prend l'option numéro 2. Non, oui, mais je pense que voilà, Romu, je pense que t'as raison, moi. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Bah, c'est possible. Dans tous les cas, là, pour le coup, j'ai envie de dire, ils trouvent le moyen de se rattraper sur le design de Sonic, mais bon, derrière ça, ils prennent Malik Bentala. Alors, c'est pas la faute de la boîte en elle-même, c'est plutôt la faute, pour le coup, de la com française. Je sais pas pourquoi ils prennent pas le doubleur des jeux Sonic ou un truc comme ça. La réponse est simple. C'est justement pour la communication. Ah oui, non, mais la réponse est simple, mais la réponse est bête. Elle est bête, mais je vais te citer Bob l'éponge, par exemple, récemment. Ouais. C'est qui au doublage, d'ailleurs? Dans Bob l'éponge? Ouais. Dans le deuxième film, c'était Squeezie, Natoo et Cyprien. Donc, comme Ratchet & Clank? Ouais. Et Ratchet & Clank, c'était bien de la merde, qu'on soit d'accord. Et ça a pas marché, d'ailleurs, au box-office. Ouais, totalement. Et Bob l'éponge, le film? Le celui dont tu parles, là? Le deuxième? Je viens de te les dire, là, je viens de te les citer. Non, mais il est sorti? Le deuxième, oui. Il est bien? Il est pas mal. Les scènes en 2D sont vraiment bonnes. On retrouve vraiment l'esprit du dessin animé. Par contre, les scènes en 3D, non, sans façon. Vraiment. Ok. Ouais. Ça, c'est pénible. Je sais que c'est pour la com, mais franchement. Enfin, surtout quand tu fais Sonic de base, est-ce que franchement, tu t'attends à avoir autre chose dans ton public que des gens qui aiment Sonic? Admettons, tu essaies d'attirer les enfants, parce que Sonic, c'est quand même relativement pour les enfants. Ouais. Est-ce que Malik Bentala, il attire des enfants au cinéma? Franchement. Bah oui. C'est le mec de Taxi, quand même. Bah Taxi, c'est un film qui a attiré pas mal de jeunes. Ça, c'est parce que bon, malheureusement, c'est peut-être la jeunesse qui est comme ça en France, mais malheureusement, bon, Taxi, c'est un peu là du vomi sur pattes. Après, moi, ça me pose problème. Ouais, après, ça me pose problème parce que, comme nous tous, je pense, je suis voxophile, donc c'est-à-dire que j'aime beaucoup la VF. On a des comédiens de doublage talentueux en France. Ouais. Je pense notamment à Donald Renew, qui fait la voix de Spider-Man. Enfin, il y en a plein. Pas tout le monde. En plus, j'ai une chronique sur un comédien de doublage, donc ça tombe bien. Tout à fait. Enfin, on a plein de comédiens talentueux. Sonic, j'ai encore sa voix en tête parce que j'ai regardé les dessins animés, j'ai joué aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Donc tu l'attends, pas. Toi Je l'attends pour Jim Carrey. Eh ouais, j'allais dire pour Jim Carrey. Il a trop de faire, ce projet. Ça fait 6 ans. Qu'il n'a pas joué dans un film sorti en salle. Ouais. Son dernier, c'était Dumb and Dumber 2, en 2014. Ah ouais, putain. Qui était OK, en plus. Ouais. Sympa. Ouais, une bonne suite. OK. Mais ouais, je suis vraiment déçu. Ah, je suis vraiment déçu parce que même Malik Bentala, j'aime bien Malik Bentala, je trouve que c'est un humoriste sympa, mais en tant que doubleur, ça marche pas. C'est pas son métier, donc pourquoi, enfin, voilà, métier, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Et il n'a aucune émotion. Quand tu l'écoutes, il n'a aucune émotion. Vraiment, il dégage rien. C'est dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, tu iras le voir en VO? S'il y a des séances en VO, mais bon, ça m'étonnerait. Putain, ouais, nous, on va galérer à trouver une séance de Sonic en VO. Moi, je sais que c'est mort. Tu auras une séance de Sonic, toi, tout court. Ça, moi, est-ce qu'à Nice, on aura une séance de Sonic? On ne sait pas. Donc, ouais. Non, non, mais c'est pas plus mal pour toi, hein, en vrai. Non, parce que honnêtement, je veux dire quelque chose. Moi, je trouve que la bande-annonce, bon, c'est pas ouf, c'est pas incroyable, mais je me dis que ça peut être sympa. Ça a l'air assez familial, ça a l'air assez gentillé, quoi. Tu vois, ça fait un peu comme Détective Pikachu, c'est gentillé. Donc moi, je serais allé avec plaisir et je vais y aller avec plaisir. Mais c'est clair que la VF, pour moi, c'est un carnage. D'avoir pris Malik Bentala, c'est un naufrage. Ça va qu'ils n'ont pas mis Malik Bentala sur Jim Carrey, quoi. ça c'est marrant. Non, ça aurait été marrant, ça aurait été un sacrilège de ouf. Un excellent comédien de doublage. Exactement, ouais. Exactement. Il ne regarde pas, mais peut-être qu'il nous écoute, je ne sais pas. Ma foi, très bien. Du coup, pour Sonic, bah, moi de mon côté, c'est vrai que je suis un fan dans le sens où j'ai joué à ceux qu'il y avait sur la Mega Drive et tout, voilà, sur GameCube. Bref, je suis un bon fan de Sonic. Quand j'ai regardé cette bande-annonce-là, bon, la première, j'ai trouvé ça horrible. La deuxième, bon, bah, c'était pas non plus beaucoup mieux. On va pas se mentir. Deux trucs que je mets en place, c'est dire, bon, c'est sûr que la voix de Malik Bentala, tout de suite, je me suis dit, ok, c'est dégueulasse. Elle m'a fait beaucoup penser aussi à la voix de Sofiane, le youtubeur. À un moment donné, j'étais en train d'hésiter, en train de me dire, c'est Malik ou c'est Sofiane. Leurs voix se ressemblent beaucoup, je trouve. Malik Bentala, c'est dommage parce que lui, je l'aime bien déjà en tant que personne sur scène, on va dire. Mais c'est vrai qu'il n'est pas fait pour le doublage. Ça, c'est pas son truc. Pourquoi on met une voix même à Sonic directement? On pourrait très bien le mettre silencieux. Hein. Ça, pour les gosses, pour la famille, il faut qu'il parle. C'est comme Pikachu. T'es obligé. Ouais, ouais. T'es obligé de le faire parler. Dans les jeux et les séries télévisuelles, là, il me semble. Dans les jeux, vite fait. Enfin, c'est pas. Enfin, c'est pas hyper important. Moi, je pense que s'il parle pas, c'est pas très très grave. Après, pour te donner un exemple bête, s'il n'y avait pas eu Ryan Reynolds sur Pikachu, il perdait 60% de son box-office. Pas forcément. Quand Pokémon il est arrivé au cinéma, ça a été un gros événement quand même. Hein. Ça a été un événement, mais beaucoup de gens étaient là en mode « Oh, trop bien, Ryan Reynolds sur Pikachu, c'est un très bon choix. » Ouais, puis ils ont fait de la com aussi là-dessus. Même Ryan Reynolds, ouais. Il a fait beaucoup de com sur le fait qu'il Pikachu, ouais. Donc ça a aidé. Non, mais d'accord, mais les petits, ils n'ont pas forcément regardé Deadpool, puis même, ils ne savent même pas peut-être qui c'est Ryan Reynolds, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais ça touche quand même un public. Les petits, c'est pas l'ensemble du public, ouais. Ça touche les adolescents, tu vois, la moyenne 12-18 ans, ça va leur parler, et comme Malik Bentala, ça va parler aux 12-18 ans, ça va leur parler tout de suite, tout de suite. Puis en plus, s'il n'y avait pas eu le doubleur de Ryan Reynolds, tu vois, et qu'ils avaient mis je sais pas qui... un youtubeur ou quoi, pareil, je sais pas si le film aurait été autant apprécié, tu vois. Parce que crois-moi, si le doublage il a raté, c'est mort, hein, tu sors du film direct. Là, je sortais de l'abondance déjà, donc le film, j'imagine pas ce que c'est, quoi. Je sais pas, la voix de Sonic qui en aurait pu mettre. Le doubleur de Sonic. Le doubleur de Sonic, dessin animé. Bah ouais. Et il est très très bien, et quand tu regardes son CV d'ailleurs, il a fait 25 milliards de trucs et il est très fort, quoi. C'est vrai que ils ont mis qu'un mec qui ils ont mis un mec connu, quoi. Ils ont mis un mec connu. Ouais, ils ont mis un mec connu. Bah écoute, j'espère que ça leur. Bah, c'est pas j'espère, c'est que ça leur servira forcément auprès des cinémas. Ouais, mais c'est vraiment dommage. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il a son métier. Enfin, il a deux métiers d'ailleurs, acteur et humoriste. Et il vole le métier. Non, humoriste. C'est chiant, vraiment. Moi, je trouve ça pitoyable. On pourrait mettre le comédien de doublage sur scène aussi. Le comédien de doublage de Sonic sur scène à la place de Malik Bentala. Hein, ce écoute, ce serait marrant qu'ils échangent. Ben voilà. Je sais pas de quel s'en sortirait mieux dans sa catégorie, mais bon. C'est Donald Renew, du coup, qui disait, je crois, j'écoutais ça il y a un petit moment, que pour être comédien de doublage, il fallait avant tout être comédien. Et a priori, ça marche dans ce sens-là, mais pas dans l'autre. Ouais. On peut pas être comédien et comédien de doublage. Ou alors, on peut l'être, mais c'est peut-être plus que compliqué, quoi. Bonne question. Est-ce qu'il y a des comédiens de doublage qui ont fait du cinéma? Des célèbres. Je crois qu'il y en a. Il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal, mais là, de tête, j'ai le comédien dont je vais vous parler tout à l'heure. Ok. Mais après, il y a le doubleur du dictateur, du gouverneur dans The Walking Dead, qui fait pas mal de films. Ok. Mais après, là, j'en ai pas qui viennent, mais ils tournent pas mal. Ils tournent pas mal dans les séries télé. Bah, il me semblait que Damien Witeka, il en a pas fait. Possible. C'est ça qui me déjà, parle. Il a doublé qui déjà Le plus connu, c'est DiCaprio. Attends pour c'est moi. C'est sa VF. Qui ça? Ah ouais, non, mais t'inquiète. C'est de l'acteur. C'est pas grave. On va passer à la suite. On a parlé de tout ce qui était Bad Box 3 et toutes ces chinoiseries. A Christmas Carol. Tu donnes en français, s'il te plaît. A Christmas Carol. On est bon. Juste comme ça, est-ce que quelqu'un comme ça, là, peut me dire le casting, s'il vous plaît? Les principaux mecs qu'il a vus dans le trailer. Bah, donc, Guy Pearce. Ouais. Et après, bah, il y a une fausse annonce, je crois. Tom Hardy. Je sais pas si c'est une fausse annonce ou pas. Sur certaines bandes annonces, il est crédité. Il est crédité dans le titre. Il est crédité partout, en fait. C'est ça qui me... Non, certaines bandes annonces sur YouTube, il est pas crédité dans le titre. Juste dans le titre. Et en fait, moi, j'ai cliqué justement pour Tom Hardy. Et il y a aussi Andy Serkis. Tout à fait. Mais alors là, ce qui m'étonnerait déjà de deux, c'est que c'est le showrunner de Peaky Blinders et de Taboo. Donc Tom Hardy, ce serait pas étonnant. Ouais. Et d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, c'est Steven Knight. Mais surtout, moi, je l'ai vu sur des images. Alors, peut-être qu'ils ont un rôle un peu particulier, mais je crois qu'on le reconnaissait de mémoire. Mais je ne l'ai pas vu dans ce trailer-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la com, bien que le mec soit crédité? Je ne sais pas s'il est crédité sur IMDb, il faudrait regarder. Bah, c'est incroyable, s'ils prennent Tom Hardy, tu dois en faire un peu ta com, justement, et d'être en tête d'affiche. Tu vois ce que je veux dire? Bah, pourquoi ils le mettraient pas? Moi, j'ai entendu parler directement de Tom Hardy, tu vois. La série avec le créateur de Peaky Blinders, Andy Serkis, Tom Hardy et Guy Pearce, tu vois. C'est ça que j'ai entendu, moi. Parce que là, comme ça, c'est dingue. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois, moi, je regarde la bande-annonce. J'ai vu par rapport à Peaky Blinders, j'ai vu Guy Pearce. Très bien, ça me branche parce que j'adore Guy Pearce. Mais après, le reste de la bande-annonce, ça m'a pas emballé spécialement. Ça m'a laissé un peu distant, un peu froid. Mais si tu me dis, il y a Andy Serkis, c'est en mardi. Ah ben là, ma hype, tu l'as refait grimper plus Andy 10. Andy Serkis, il est dans le trailer, mais il est difficilement reconnaissable. Ouais, difficilement reconnaissable, ouais. Ouais, tu reconnais uniquement son regard parce qu'il a vraiment un regard. Ouais, il a une espèce de grosse barbe. Mais en tout cas, beau casting et surtout, c'est une mini-série de Noël et ça me fait un peu penser au film Krampus. Un conte un peu de Noël horrifique comme ça qui a l'air très sympa. En plus, mini-série, je crois que c'est peut-être 6 épisodes. Ça a l'air de se déguster comme ça, quoi, d'une traite. Et ça a l'air, enfin, moi, je trouve ça bien. Ça a l'air bien. Et puis, c'est une série anglaise, donc généralement, les séries anglaises, c'est assez quali en termes de mise en scène, de casting. Bah, surtout avec Steven Knight derrière, je suppose. Je veux bien vous croire parce que j'ai pas commencé. Bon, tu connais la réputation de Peaky Blinders. Donc voilà. J'ai pas l'impression que ça va être au niveau d'un Peaky Blinders. Enfin, j'ai pas trop d'avis sur cette bande-annonce. Ça va pas trop hyper. Après, c'est vrai que tu dis Andy Serkis et Tom Hardy. J'avoue que ça me donne un peu envie quand même. Mais je sais pas, je ticte un peu. J'ai l'impression, ceux des fois qui veulent faire ressembler un peu à la Peaky Blinders en termes d'univers un peu comment c'est fait, tu vois. Oh là, pour moi c'est loin de ressembler à Blender. Je parle comment, tu vois, je sais pas comment t'expliquer un peu l'époque et tout, un peu comment c'est fait, un peu, tu vois, on a l'impression que un peu dans l'atmosphère. Voilà, c'est l'atmosphère, c'est un peu le mot que je cherchais. Et ben, j'ai l'impression qu'ils vont complètement aller à côté en fait et faire un truc complètement oubliable. Je vais essayer, pour bien moi, sûr, tu peux faire un truc différent de Peaky Blinders et faire un truc bien. Ouais, mais fait changer carrément d'atmosphère, faire un autre délire, tu vois. Et bah là, pour moi, c'est vraiment un autre délire. Hein, pour le coup, je vois pas du tout ce que tu vois de Peaky Blinders. Tabou, c'était différent. Tabou, moi, bah, si tu parles du mec qui a un chapeau, enfin oui, il y a un mec qui a un chapeau, mais c'est pas tabou pour autant, tu vois. Non, mais en termes d'atmosphère, c'est différent de Peaky Blinders. J'ai vu que le premier épisode. Ouais. J'ai jamais vu Peaky Blinders. J'ai vu 3 épisodes, tu vois, mais il y a un petit moment. Ouais. J'y verrais plus. C'est plus proche de Tabou, là, je dirais, que de Peaky Blinders, quand même. Vraiment. Okay. Pour le coup. En fait, Peaky Blinders, pour te dire, je trouve que la saison 1 est meilleure, on va dire, dans l'ambiance de Peaky Blinders. Au fur et à mesure des saisons, Peaky Blinders, en fait, ça va être dur de faire une série pour moi qui va être au-dessus de cette série-là. Pour eux, en tout cas, hein, je parle dans ce qu'ils vont faire à la suite. C'est tellement un niveau au-dessus avec une réalisation, mais elle est incroyable, la réalisation, on dirait un film, que pour moi, ça va être dur de réussir à aller sur un truc beaucoup plus quali et au même niveau, quoi. Ben là, ouais. J'ai l'impression de voir un film. Hein. J'ai vu la non, mais tu n'as pas vu Peaky Blinders, je pense. C'est pour ça que tu dis ça. Mais pour le coup, tu dis ça, mais tu vois, Damon Lindelof, il a fait Lost, il fait Watchmen, il a fait Leftovers, et jamais on compare les 3 séries, tu vois. On ne dit pas que l'une est au-dessus de l'autre, mais les 3 sont excellentes. Et ouais, d'accord, mais à chaque fois, il va sur des trucs un peu différents, quand même. Bah, pour moi, c'est totalement diff. Surtout que cette ambiance horrifique, fantastique un peu, il n'y a pas du tout ça. Tu vois, moi, je vois plus du Labyrinthe de Pan que du Peaky Blinders là-dedans. Hein. Non, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est pas dans le même univers, parce que ça n'a rien à voir. Peaky Blinders, c'est Christmas Carol, rien à voir. Mais par contre, tu reconnais un petit peu. On parle de l'époque. Non, mais tu reconnais, par contre, je trouve, tu reconnais la lumière, la façon de filmer, ça fait très Peaky Blinders, par contre. Voilà, c'est ça que je voulais les scènes de nuit, parce que tu vois, la bande-annonce, c'est tout dans la nuit. Mais comment c'est avec un éclairage, tu vois, il y a un seul éclairage, tu vois, la lampe. Et du coup, ça fait très Peaky Blinders dans la façon que c'est réalisé, de la façon dont c'est mis en scène. Ça fait très Peaky Blinders pour le coup. Après, très froid, ouais. Ça fait deux univers totalement différents parce que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Mais par contre, tu sens que c'est la même équipe derrière, quoi, que c'est le même showrunner, tu le sens. Ça se voit. Pour le coup, je trouve que ça se voit. Que par exemple, tu regardes Watchmen et Lost, tu te dis pas, oui, c'est le même mec derrière. Tu vois, voilà, là, clairement, ça n'a rien à voir de bout en bout. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'on devrait arrêter de comparer les séries et les considérer comme des œuvres à part entière. Bah là, pour le coup, en plus, c'est une mini-série, donc ces épisodes, c'est conçu, je pense, plus comme un grand film que comme une série. Parce que oui, c'est clairement. Quasiment sûr à 100% que tu n'auras jamais de suite, tu vois, parce que bah, c'est comme Tabou, par exemple, tu vois. Ouais. Ils ont prévu une suite, mais Tom Hardy fait tellement de trucs, est-ce qu'il va avoir le temps? Tom Hardy, d'ailleurs, c'est marrant, comment il est très impliqué dans les séries. Enfin, c'est pas marrant, mais Il est très, ouais, très important. Il a joué dans quelle série? Peaky Blinders. Ouais. Dans Tabou. D'accord. Dans bah, peut-être Chris Pascal, on sait pas trop. Je pense qu'il a fait d'autres choses. Possible. Mais il est bien plus impliqué que d'autres acteurs, tu vois. Mais moi, j'aime bien voir les acteurs britanniques dans les productions britanniques. Je trouve ça. Il est britannique, t'as mardi? Il est britannique. Il est anglais? Anglais, ouais. Ouais. Bah, il est britannique, donc. Et oui. J'ai l'impression que c'est leur spécialité, les 6 épisodes un peu dans leur série. Parce que Peaky Blinders, c'est pareil, c'est 6 épisodes par saison. Bah, peut-être, hein. Mais là, il s'agit vraiment d'un conte de Noël, donc tu fais ça pour la période, tu vois. Et puis, oui, il avait fait. Il a fait notre série aussi, il a fait Frères d'Armes, Tom Hardy. Oui, enfin bon, après tout le monde l'a fait cette série, donc. Oui, mais il a quand même fait. Ouais, certes. Par contre, petite parenthèse, c'est pas une spécificité anglaise, les 6 épisodes, parce qu'en France aussi, on a cette spécificité, en Espagne aussi. Mais. Je pense notamment à la Casa de Papel. Aux États-Unis aussi, enfin, Zodiac. Ouais, non, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais généralement, les séries standards aux États-Unis, c'est 22-23 épisodes. Oh, ah, c'était à l'époque. Ça, c'est les séries des années 2000, voilà. Ça n'existe plus. Hein. Si, ça existe encore. T'as Flash qui fait ça encore, t'as les trucs Arrow, les ceux-là, mais ça, c'est pas 22 épisodes, si, Flash. Et les séries policières aussi. Flash, mec, ça fait 22-23. Ah oui, mais on parle des trucs lancés depuis longtemps. Oui, je te parle des séries standards. Là, une série qui débarque 22 épisodes, mais 100% elle bide. C'est possible que ça bide, mais sur les chaînes comme CBS, NBC, les chaînes qui font pas partie du câble, c'est des séries de 22-23. Genre Doctor Who, quoi. Mais après, c'est ou les séries policières. Ouais. Franchement, depuis les années 2010, et je pense depuis Game of Thrones notamment, on se rapproche de plus en plus de séries qui deviennent vraiment de vrais films, tu vois, en termes de budget, en termes d'ambition, en termes d'acteurs, parce qu'ils mettent des vrais artistes derrière, ils mettent des vrais acteurs, ils mettent des vraies équipes techniques. Enfin, pas que les autres, c'était pas des vrais, mais il y a de plus en plus d'ambition. Mais je trouve qu'on a une frontière de plus en plus fine entre le cinéma et totalement, les séries télé. Bah, totalement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs d'ailleurs qui go, tu vois. Et des trucs comme. Enfin, des plateformes de SVOD, par exemple, ça va faire que accentuer ça. Et je pense que HBO qui a démarré ça. Non, mais franchement, ouais, je suis content. Même qu'on passe sur des épisodes, moins d'épisodes et tout, c'est plus concis, c'est plus carré, je trouve. Il n'y a plus d'épisodes, je trouve, qui servent. Il y en a encore, hein, mais il y en a de moins en moins d'épisodes qui servent à rien. Genre, The Walking Dead, je trouve encore qu'il y a trop d'épisodes. Je trouve qu'on partirait sur des saisons de 10 épisodes, ça serait parfait. Ouais, bon, ça après ils changeront pas parce qu'ils veulent des thunes, mais. Bah, ils veulent leur truc de 8 épisodes, tu fais une pause, 8 épisodes, c'est leur truc, tu vois. Mais je trouve ça très dommage, je trouve faire un 10 épisodes, c'est parfait. Ouais, bon, je pense que ça changera pas pour The Walking Dead, malheureusement. Ouais, mais, ouais, c'est sûr. Pas mal de bons trucs, enfin, pas mal de bons trucs à venir, je pense. Et donc voilà, moi, Chris Mascarol, j'ai un espoir en tout. J'aime beaucoup. Personne a vu Krampus? Non. Non, je l'ai pas vu, non. C'est un conte de Noël qui fait un petit peu flipper. Et franchement, c'est bien, ça change vraiment des films de Noël, comme dirait Joss pour la ménagère. Et donc je vous recommande si jamais vous avez l'occasion de le voir, quoi, parce que c'est sympa. En vrai, c'est sympa et là, ça m'appelle vraiment ça. Là, pour le coup, Christmas Carol, à mon avis, c'est tout sauf pour le ménager, tu vois. C'est vraiment. Ça a l'air de faire un petit peu peur. Ouais. Et ça sort quand en Angleterre? Quand ça sortira. D'accord. Je sais pas. En décembre. Ça va sortir pour Noël, je pense. Ouais. Ça sort pour Noël, ouais, ou peut-être avant même, le temps de diffuser les 6 épisodes. Le nouveau film de Gavin O'Connor. Romu nous a envoyé le trailer juste avant le démarrage de l'émission. The Way Back, avec Ben Affleck dans le rôle principal. Moi, j'ai vu un truc qui est flagrant. Alors déjà, deux trucs. Premier, c'est que ça a l'air d'être la vie de Ben Affleck. Hein. Vraiment, alcoolisé tout le temps, à faire n'importe quoi et à essayer de se retourner. J'ai trop pensé à ça, ouais. Et deuxième, c'est que ça a fait extrêmement Coach Carter. J'ai pas trop l'impression, parce que c'est pas le même type de personnage. C'est la même histoire dans le sens où ça va s'allier avec le sport. Ah oui, non, on parle de l'histoire de l'histoire globale. Je te parle pas de l'histoire du personnage, je te parle vraiment de l'histoire globale en mode c'est un mec qui a des soucis perso et qui essaie de. D'accord, ok, ok. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a son fils dans l'équipe, non? J'ai un peu cette impression-là, je suis pas sûr à 100%. Mais j'ai l'impression qu'à son fils dans l'équipe, du coup, il va la coacher, en fait, cette équipe-là. Et sa femme est morte. Donc ça, j'ai un peu saisi le truc. Il est devenu alcoolique à cause de ça. Mais je crois que son fils, il est dans l'équipe. C'est pas expliqué, je crois, mais... Je t'avoue, j'ai pas fait gaffe. Bah, à un moment donné, il y a un mec métis qui est dans la voiture et qui parle avec. Je pense, je suis pas sûr, mais je crois que c'est son fils. Ok. Bon, c'est... Pour le coup, ça ferait... Ouais... Bon, ça sera un peu gros le fait d'aider une équipe de métis parce que son fils est métis, quoi. Non, pas du tout. C'est juste peut-être que sa femme, elle était noire, il a un fils métis. Voilà, sa femme est décédée, il est tombé alcoolique et il va essayer de se relever en aidant une équipe au basket, tout simplement. Et j'ai le synopsis, si vous voulez. Vas-y. Vas-y, dis. Une star du basketball a perdu sa femme et sa famille à cause de son addiction. Il a l'espoir de trouver sa salvation en devenant le coach d'une équipe de basketball d'un lycée qui ne compte aucune victoire à son actif. Donc c'est une partie. Je suis désolé, c'est Coach Carter. Hein. D'accord. Donc du coup, alors quand il va au cimetière, alors ça serait pas sa femme. Alors ok, d'accord. Tu vois, c'est sa femme. Sa femme. Quand il dit partie, c'est peut-être plus au sens métaphorique qu'au sens littéral. Hein. Donc peut-être qu'ils sont vraiment morts. Oui, ils sont morts. Ils sont maintenant, il n'y a pas son fils dans l'équipe du coup. Donc peut-être que c'est juste un gosse qui est ramené après l'entraînement, tu vois, un truc comme ça. Ok, en fait, d'accord. On le voit seul dans la bande-annonce. C'est un homme seul. Moi, j'ai jamais vu de. Moi, j'ai jamais vu de famille. Hein. Ouais, moi non plus. C'est pour ça je. Ok. Et toi, t'as bien aimé, Joss? Eh ben moi, j'aime bien déjà Ben Affleck dans ce genre de rôle. Tu vois, dans les rôles dramatiques, un peu le mec désespéré. Ah, pour moi, il sait faire que ça, parce que sinon, je suis pas fan. J'adore Ben Affleck réalisateur, mais Ben Affleck acteur, j'ai beaucoup de mal. Mais je l'aime assez bien quand il joue ce genre de rôle-là, parce qu'il a un peu la gueule de l'emploi, tu sais. Ouais, c'est pas qu'il a la gueule de l'emploi, c'est que sa vie est comme ça, donc c'est. Oui, en plus. Tu joues ce côté, tu vois. Après, c'est un film de Gavin O'Connor. On sait qu'il y a toujours les mêmes thèmes avec ces films. Il y a beaucoup de thèmes sur l'alcool. Systématiquement, Gavin O'Connor est un personnage qui a un souci d'addiction avec l'alcool. Après, moi, ça fonctionne bien parce que j'aime plutôt bien ces films. Donc, je pense que le film, ça peut être pas mal. Ça m'a donné envie, même si ça a l'air quand même ultra classique. Et je trouve que les scènes de basket, de ce qu'on a dans la bande-annonce, je trouve que c'est assez mal fait. Quand je dis que c'est assez mal fait, c'est que moi, j'adore l'NBA, j'adore le basket. Et quand je regarde... tu vois, la bande-annonce, je vois très clairement qu'on est sur de la fiction, quoi. Ça fait pas... C'est pas très réaliste pour moi. J'aurais dû faire appel à l'équipe des frères Scott pour faire les scènes de basket. Ils auraient pas aucune victoire à leur actif dans ce cas-là, tu vois. du coup, toi, Just, tu l'as pas aimé dans Will Hunting? Ah si, oui, pour le coup, si, mais ça date, ça remonte à un petit moment maintenant. Ça commence à dater, mais... Tu vois, je crois que le dernier film de Ben Affleck, acteur, que j'ai beaucoup aimé, c'était Gone Girl. Mais pourquoi? Parce qu'il joue encore ce genre de rôle, tu vois. Ah, tu l'as pas aimé dans Batman? Parce qu'il y a un grand réel derrière. Ah, j'ai détesté dans Batman. Ah oui, et puis après, il y a David Fincher derrière, c'est clair. Tu l'as aimé? T'as pas aimé? Comment? Attendez, une question à la fois, s'il vous plaît. Du coup, tu l'as pas aimé en Batman? Ah, j'ai détesté. Purée, putain, moi j'ai trouvé hyper convaincant justement. Il y avait ce côté très sombre et tout. Je trouvais que c'était limite. Je trouvais que c'était même limite un des meilleurs Batman. Tu vois? Non, moi j'ai pas aimé de Christian Bale. Hein. Et franchement, je dis la vérité, je trouvais qu'il était au-dessus de Christian Bale. Ah ouais, non. Ouais. Alors, parce que Christian Bale, en fait, j'ai du mal avec cet acteur-là. Je trouve que il a peu d'émotion. Je trouve. C'est un peu son défaut. Ok, il est dans Batman. Il est un mec qui a peu d'émotion, ce que vous voulez. Mais du coup, j'ai du mal avec lui. Tandis que Ben Affleck, je sais pas, je trouvais le jouer tellement bien. Ben moi, le problème de Ben Affleck... En fait, Ben Affleck, en tant que Batman, ça passe. Mais en tant que Bruce Wayne, je déteste. Je trouve que c'est un mec torturé. Justement, c'est un Bruce Wayne plus vieux. Donc, moi, j'ai envie de dans le... En fait, ça ressemblait plus au Batman qu'il y avait dans... Enfin, le Bruce Wayne qu'il y avait dans les Reborn. Batman Reborn. Ouais, c'est Return. Vrai. C'est Reborn mais... ou Return Return. Mais le problème, c'est que... La série. Quelle série? La série animée, la suite des anciens Batman. Moi, c'est juste Batman. Hein. De quoi? Non, mais d'accord. Non, mais t'as la série animée Batman et après t'as Batman Return. Ah, le Batman, la relève? Si tu veux, après en anglais, je crois que c'est Return. Donc, du coup, là, il est plus vieux Batman et il entraîne un petit. Mais du coup, il est torturé ce Batman-là. Donc, je trouve qu'il le fait vraiment bien, Ben Affleck. Ils ont suivi vraiment cette idée-là. Ouais. Ben Affleck, il a, depuis quelques années, il a attrapé une carrure. Parce que tu le regardes dans Argo, le mec, tu allumes un feu avec lui, quoi. Non, mais là, c'est vrai que je le trouvais même limite en surpoids, là, non, dans le film. Ouais, il est peut-être un peu donu, mais ça arrive à tout. non, mais c'est y a pas de mal. Ouais, mais il a beaucoup de muscles. Du coup, il a vraiment une silhouette presque rectangulaire, quoi. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est très carré. Ouais. Bon, tu nous parleras de ta sexualité plus tard. Le frontière, il est vraiment massif. Ouais. Mais bon, c'est pas plus mal. Mais du coup, ça cache un peu ses émotions, quoi. Et moi, je vois ce film, si je peux ajouter quelque chose sur la bande-annonce, moi, je vois ce film comme une forme de rédemption. Ouais, mais le problème, c'est que... Sauf qu'il picole, quoi. Ça n'arrivera jamais. c'est pas une rédemption comme Brad Pitt dans Ad Astra. C'est différent. c'est le problème, c'est que le pauvre, je sais pas s'il arrivera à se débarrasser de ses démons un jour. Hein. Parce que toutes les deux minutes, il est en désintox. Ouais. Donc, courage à lui et puis reviens faire des films, quoi. Ouais, dans l'alcool, addiction au jeu, et il a perdu sa femme. C'est triste. Ouais. Écoutez, on va passer aux sorties et au visionnage de la semaine. Oh, je vous avoue que les sorties, elles sont un peu maigres pour nous cette semaine. J'ai même pas envie de citer le premier, mais bon, je vais le citer. Ça commence par la reine, ça finit par deux. Voilà. Ouais, ben je vais aller le voir. Si personne n'en parle, j'en parle pas. Hein. Non. Si, je vais en parler, moi. Next. Donc, la reine des neiges. Pour la ménagère. Pour la ménagère. Non, mais en plus, comme ça me fait des séances où j'y vais avec mon imperméable beige long et comme ça, je vois des petits-enfants et je suis content. On parle de quoi, là? J'ai pas entendu. La Reine des Neiges 2. Ah, la Reine des Neiges 2, excusez-moi, j'ai pas entendu. Non, honnêtement, blague à part, je vais aller le voir parce que ma copine va aller le voir, mais je pense que très honnêtement, j'y serais allé par curiosité parce que, voilà, j'aime bien les animations Disney que les enfants. C'est à la période de Noël de mon anniversaire, donc j'aime bien cette période, donc il n'y a pas de problème. J'avais détesté le premier, donc je vais aller voir le deuxième pour voir ce que ça vaut, mais voilà, j'en attends rien et j'espère au moins passer un bon moment. Voilà. Moi, je vous dis la vérité, je suis un très grand fan de Disney à la base. Je préfère largement les Pixar, c'est des coups de cœur à chaque fois, les Pixar. La plupart du temps, ils se ratent quasi jamais. Le Disney, je suis assez fan de quasi tous, mais bon, il y en a certains qui sont pas dingues. Celui-là, je suis persuadé à 100%, il va être mieux que le 1, parce que le 1 était pas folichon. Il était sympa. Les musiques, bon, c'est sûr, ça reste dans la tête, hein, tu fais que les bouffer. Pour moi, le 2 va être au-dessus, clairement. Donc, je le regarderai parce que j'ai envie de le regarder, mais je regarderai pour être aussi... dans l'actu, là où je travaille, ça, c'est toujours bien de savoir un peu les choses. Mais ouais, j'irai le voir, pourquoi pas. Ok. Ben écoute, je pense qu'on va passer là-dessus. Si t'as rien à dire dessus, Romain. Non, j'ai envie d'en parler. Je veux juste te dire que moi, contrairement à vous deux, Joss et Jay, j'ai bien aimé, même beaucoup aimé le premier. Mais ça s'arrête. Ah mais je te rassure, le premier, t'es pas le seul à l'avoir énormément aimé. Hein. Je te rassure. Hein. Après, maintenant, la question c'est. Est-ce que les gens ont aimé le film pour la musique ou est-ce qu'ils ont... C'est le film, je pense. Les deux. On revient encore sur le débat qu'on a eu la semaine dernière. Bah, les deux. Non. C'est pas ça que je te dis. C'est que sans Libéré, Délivré, personne ne parle du film aujourd'hui. Ouais, je suis assez d'accord. Franchement. Je suis assez d'accord. C'est vrai. Bah, je voulais pousser mon coup de gueule, d'ailleurs. Ça va dépendre. Ça va dépendre des âges. Je voulais pousser mon coup de gueule, un petit coup de gueule sur la communication de La Reine des Neiges. Avant la sortie du film, qui est prévue pour le 20 novembre, on a eu un extrait, voire même le clip complet, de la musique principale du film. Je l'ai pas entendu, mais c'est normal, hein, mec, qu'ils font ça. C'est vraiment normal. Non, c'est scandaleux. Libéré, délivré, on a eu la surprise. On a eu la surprise. Ouais, mais justement, là, c'est différent. La première fois que le premier film est sorti, personne ne connaissait, tu vois ce que je veux dire. Là, justement, ils se disent, il faut qu'on arrive à faire enlever le libéré, délivré de la tête des gens. Ça ne sera pas ça. Donc, ils balancent directement le titre pour pouvoir, justement, s'habituer à un nouveau titre, tu vois. Ouais, mais tu gâches pas la surprise aux spectateurs. Tu leur laisses découvrir. Ah bon, bah alors là, après, je te laisse appeler Disney. Après la communication Disney. Vas-y, je vais les appeler. Là. Après Romu, ils ont fait la même chose avec Vaiana à l'époque. Vaiana, quand c'est sorti... Ils nous ont sorti la chanson et là, il passait sur Energy et tout. Hein. Deux, trois semaines avant la sortie du film, ils ont essayé de faire une musique un peu pareille et ils l'ont sorti avant le film. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir le film Vaiana le jour de la sortie. Je connaissais déjà la chanson par cœur. Je trouve ça vraiment dommage parce que ça gâche les surprises. Parce que pour moi, Disney, les films d'animation Disney, c'est basé sur les chansons. Pour moi, c'est des comédies musicales. Clairement. Si je peux rajouter quelque chose, en plus Disney maintenant ils ont une politique complètement différente même de ce que pouvait être George Lucas avec Star Wars et tout. Moi, je le sais vu que je travaille dans un magasin de jouets, ils ont sorti tous les jouets de la Reine des Neiges et de Star Wars le 4 octobre, et à savoir que Reine des Neiges sortait du coup la semaine prochaine et Star Wars en décembre. Donc maintenant ils ont plus de limite, ils s'en tapent en fait de spoiler largement avant en fait les personnages, tout ce genre de choses, surtout dans Star Wars. Les spoilers avec les Lego, avec les jouets principaux et tout, tu peux vite voir des spoilers en fait finalement. Donc maintenant ils en ont plus rien à foutre du côté c'est un vrai. Peu spoiler. Parfois ils lancent sur des mauvaises pistes quand même. Avec Endgame, il y avait eu pas mal de sets Lego qui n'avaient ni queue ni tête. Hein. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'il y avait des Lego qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il allait avoir dans le film. Je les ai tous eus, je pense. Mais quand même, ça peut te mettre dans des pistes quand même, même si des fois il y en a des fausses. Après, au-delà de ça, je vais vous poser une question simple. Est-ce que dans First Man, vous n'avez pas kiffé découvrir la musique de quand il se pose sur la lune, franchement? Est-ce que si elle avait été dans le trailer, est-ce que ça n'aurait pas un peu plus... C'est comme Interstellar, je crois qu'il n'y avait pas la musique, non? Je me rappelle pas moi. Non, tu l'as découvert. Disney, eux, ils ont pour but aussi de vendre des jouets. Hein. C'est très important parce que je pense qu'ils vont plus se faire de chiffres, j'en suis quasi sûr, dans les jouets qu'avec la sortie du film au cinéma. Hein. Clairement. C'est un. Assez... Ah non, mais moi je vous dis, je suis arrivé, on a commencé, on va dire, en septembre de rentrer les choses de Noël. Le 4 octobre, c'est à ce moment-là qu'on commençait à recevoir les choses de la Reine des Neiges. Je vous raconte pas tous les produits que j'ai reçus de la Reine des Neiges, c'est impressionnant. Donc, je pense vraiment qu'ils ont, ils ont optique vraiment de cartonner et de vendre au taquet de jouets. Et ils s'en tapent du bot. Regardez Cars, ça faisait pas beaucoup de box-office. Et les jouets, ils laissent tomber le fric qu'ils se sont fait dessus, ils ont fait des milliards. Mais c'est une machine marketing. Ouais. Bah voilà, donc vous voyez, ça, c'est différent. Genre Toy Story, pareil, j'ai un grand rayon de Toy Story. Voilà, voilà, y a certaines choses comme ça qui. C'est vraiment des jouets. Eh bien écoutez, on en reparlera après justement de Disney, j'ai un vrai ou faux qui concerne Disney, mais je suis totalement d'accord avec toi pour le coup. Passons au second film, un film qui était à Cannes, Les Misérables, qui a longtemps été favori pour la Palme d'Or d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un va aller le voir? Moi non, perso. Ouais, je sais pas, non plus, ouais, j'avoue que là, non, ça m'attire pas. Ben moi je vais aller le voir. Je vais aller le voir parce qu'il a été présenté à Cannes, qu'on n'a pas pu le voir, et ouais, le sujet a l'air intéressant, bien traité. Ça parle de cette opposition entre les gens qui vivent dans les cités, les forces de police. Les forces de police. Tout à fait. Donc ouais, et puis il a une bonne presse. Très bonne presse. Ouais, excellente presse. Très bonne note sur Sens Critique aussi. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est pas ce qui influe sur mon jugement, mais ça joue pas mal. Donc, c'est qui réalise ce film? Non, c'est les DJ, un truc comme ça, non? Il a pas un nom un peu comme ça. Parce que moi, je vous jure, j'ai hyper du mal, moi, avec les films de cité, quand c'est pas des mecs de cité qui les font, en fait. J'ai archi du mal. Après, c'est peut-être un mec de cité, je sais pas. Hein. Moi, le fait que je vienne des cités, bah justement, je vois tout de suite quand les gens, ils en font trop, en fait. Et ça me sort du film direct, tu vois. Genre, La Haine, pourquoi je l'apprécie énormément? Parce que déjà, Vincent Cassel, il est resté dans des quartiers un moment, déjà pour essayer d'avoir les mêmes mimiques et tout. Et il y a des gens, y a que des gens de quartier après à côté. Donc, quelque part, ça respirait vraiment le quartier. Et genre, Ma Cité va craquer, pareil, ça respire le quartier parce que c'est que des mecs de quartier qu'on fait ce film-là. Et je trouve que c'est bourré de réalisme. Genre, La Vie scolaire, pareil. Le film de Kerry James, bah, mal, il y a Kerry James derrière. Voilà. Et moi, faut qu'il y ait des gens, en fait, finalement, qu'ils ont vécu le truc, sinon ils en font trop, en fait. Ils ont une idée des quartiers qui n'est pas ça, en fait, et du coup, ils en font trop. Là, je pense que, étant donné qu'on a un film favori à Cannes pendant longtemps pour la Palme d'Or, qui a une presse incroyable, et vraiment, on parlait de films au-dessus de Parasite et tout, donc je suppose que le mec en a pas trop fait et qu'il connaît quand même un minimum son sujet, quoi. Bah, alors, tu penses que je pourrais apprécier le truc, quoi? Ouais, je pense. Moi, je pense que tu pourrais apprécier. Okay. Si t'as aimé La Haine et tout ça, je pense que tu peux apprécier. Ouais. Ah, bah ouais, La Haine, c'est mon bijou d'enfance. Ça, c'est un bijou, ce film. Certes, mais ouais, non, mais tu vas kiffer, t'inquiète pas, tu verras bien. Mais c'est un mec qui fait partie de. Enfin, le réalisateur de Misérables, c'est un mec qui fait partie de la bande à Kassovitz, Courtrajmé. Donc, ouais, je pense qu'il en fait pas trop sur la cité. Il doit connaître son sujet, il a bien potassé, à mon avis. Après, je parlais pas spécialement de ce film-là, étant donné que je l'ai pas vu, mais voilà, mais je dis par rapport au film, des gens qui font des films de cité, laisse tomber, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Ok, pas de problème. Bah écoute, très bien. On va passer alors là, c'est le sujet qui fasse. Je pense pour Joss et moi notamment, je sais pas tous comment on l'a reçu. On va parler des visionnages de la semaine et en premier de The Mandalorian. Je vais m'exprimer en premier parce que sinon, si je laisse Joss le faire, ça va être un peu le bordel et pour la ménagère. Donc, attends. Alors, The Mandalorian. Pour moi, je vais commencer par donner les points forts et puis les points faibles. L'univers de Star Wars est là. L'univers de Star Wars est respecté. Pedro Pascal, je pense qu'il va être bien dans son rôle, mais des décors vides, absolument vides. Oh, un manque de moyens. Un manque de moyens, mais exceptionnel et évident surtout. On est, c'est vraiment du Star Wars, mais c'est limite, quoi. Et surtout, aucune bande-son. Enfin, la bande-son est nulle. Les effets spéciaux, nuls. Enfin, c'est vraiment la catastrophe, en fait. Le seul truc qui est bien, c'est à la fin, là, la scène où il y a la bagarre avec le drone. Et il démarre la plateforme avec ça. Ouais, mais sauf qu'il démarre en trombe. Hein. Disney+, là, ça cartonne. Hein. Ah ouais. C'est genre 10 millions de personnes d'un coup. Ah ouais, bon, ça rigole pas, là. Enfin, de ce que Disney dit. Peut-être qu'ils mentent, mais ça m'étonnerait, c'est Disney qui dit ça. Bah, c'est des mythos, Disney. Je sais pas, mais bon, ils annoncent 10 millions d'un coup. En même temps, le service, il est pas cher, hein, 6,99. C'est 6,99. Mais pour le coup, là, extrêmement déçu, quoi. Franchement, si toute leur série, là... C'est pour... On parlait de Yes Man, hein, John Favreau, qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Franchement, John Favreau, il sait pas écrire, frère. Ben ouais. Alors moi, je vais te rejoindre un petit peu sur ce que t'as dit. Alors toi, la première chose que j'ai écrit pour la série, c'est « Décor archivide ». Tu vois, donc on a pensé la même chose. C'est quand même incroyable, avec un univers comme Star Wars, de voir des décors, pour moi, mais aussi vides. C'est-à-dire que tu as des plans où tu dois avoir quatre vieux figurants qui passent, mais franchement, c'est dégueulasse quoi, de voir ça. Tu as une ville, tu vas avoir quatre pèlerins qui vont passer derrière. Je trouve que ça fait fake, mais à 2000 kilomètres. Je trouve que c'est pas toujours très joli visuellement. Comme t'as dit, la bande-son, j'ai trouvé que c'était catastrophique, mais pourtant, je pensais que ça allait être un des points forts, tu vois. La bande-son, je me suis dit, bon, au moins, ça sera réussi. Eh ben, putain, c'est vraiment pire que raté. Alors après, t'as ce côté un peu western qui est pour moi un petit peu trop marqué. Parce que là, très clairement, on est dans du western. Alors, ça peut marcher parce que Boba Fett, c'est un chasseur de primes, donc chasseur de primes, ça fait très western, et pourquoi pas, ça peut fonctionner, mais ouais, là, je trouve que par moment, on était trop sur du western. Là, ils en reviennent à leurs influences d'origine, hein, si je peux me permettre de vous couper, les gars. L'influence principale de George Lucas pour Star Wars, oui, c'est quand même les 7 samouraïs. C'est ce que j'allais dire, c'était les 7 samouraïs, c'est pour ça. Mais là, tu vois quand même le truc, t'as même une scène de rodéo, quoi, à un moment donné. Tu vois, cette scène, moi, qui me pose un problème en termes d'écriture. C'est-à-dire que le mec, il n'enlève pas son casque. Le mec, il parle pas beaucoup. Donc, on vend déjà un personnage badass et mystérieux. Et le mec, il se fait ridiculiser par une grosse larve, quoi. voilà, c'est problématique. Il est vraiment, en termes d'écriture, mais je me suis dit, mais déjà, Pedro Pascal, tu vois, il est 1000 fois plus classe dans Game of Thrones. Et là, je me suis dit, mais merde, c'est quoi ce personnage à la con, quoi. Enfin, même le droïde, il est 4 fois plus stylé que lui à la fin. Voilà, un point positif, tu vois, que le costume, je le trouve assez joli. Tu vois, je trouve que même le casque... Ils sont passés les millions, alors. Ouais, ils sont passés là-dedans. Après, toi, tu vois que c'est du Disney. Par exemple, à un moment donné, il y a une scène, il y a un personnage qui va se recouper en deux. Eh ben, ça va pas être montré. Tu vois, la caméra va tourner. Tu vas comprendre que le personnage s'est fait couper en deux. Non, mais je dis pas qui c'est, je dis pas... Mais c'est, tu vois que ça reste familial et que c'est fade et que ça veut pas prendre de risques, tu vois. Et pour moi, du coup, j'ai regardé ça, mais ça, c'est fini. Première action, je me suis dit, c'est nul. Et franchement, c'était nul. Ouais. Si, s'il n'y avait pas la fin, là, mais franchement, ce serait nul. Ce serait vraiment nul. Ce serait juste un fan film, genre pire que le film sur les Ewoks, quoi. Mais vous vous êtes ennuyé, vraiment? Non, tu t'en ennuies pas, parce que le film fait 38 minutes, déjà. Je peux donner mon avis, comme ça, bah, peut-être que je vais pouvoir donner envie à... Vas-y. Parce que moi, je ne pense pas du tout comme vous, en fait, sur cette série-là. Tant mieux. Moi, ayant vécu, en fait, avant que la trilogie sorte, la première trilogie principale, bah, je trouvais vraiment que cette série-là, et bah, ça, en tout cas, le premier épisode, j'ai pas vu la suite, hein, mais que ça respirait vraiment la trilogie principale. Donc là, en fait, quand vous dites c'est vide, il n'y a pas beaucoup de figurants et tout, on est vraiment sur un concept aussi où c'est après le 6, comme tu me disais, Anto, entre le 6 et le 7. Donc c'est la fin de l'Empire, après la guerre, après tous les problèmes qu'il y a eu et tout. On ne sait pas dans quelle planète il est, mais il est peut-être dans une planète où il n'y a pas beaucoup de personnes aussi, tout simplement, en fait. Ok, les moyens sont forcément moins considérables que pour les films, bah, c'est évident. Mais moi, je trouve que je n'ai pas senti ce manque de moyens parce que ça ressemblait beaucoup, en fait, aux effets spéciaux qu'il y avait dans la première trilogie, un peu. Donc je trouve vraiment qu'il y a 40 ans d'écart, quoi. C'est problématique. Ouais, mais, moi, je pense que c'est fait un peu exprès aussi. Il y a un peu ce côté, genre les personnages qui sont déguisés et tout avec des prothèses et tout. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé en fait ce côté qui se rapprochait de la trilogie principale. Et il y avait un vrai amour sur ça, en fait, de se détacher de ce qu'il y a entre le 7 et le 8 et de ressembler beaucoup, de se recadrer vraiment à la première trilogie. Il y a vraiment cet amour-là, je trouve. Donc moi, personnellement, je suis sorti de ce premier épisode avec beaucoup d'espoir, avec forcément le plan de fin qui est énorme, ça donne vraiment envie de voir la suite, clairement, mais c'était le but. Mais moi, je trouve que même la scène d'action à la fin, elle est vraiment bien faite. Il y a vraiment un truc cow-boy qui est vraiment assumé. Alors, je suis d'accord avec toi, maquillage et tout, bah, si on veut, hein, pas de problème. Maintenant, voilà, il y a quand même 30 ans entre J et cette série-là, donc c'est dommage. Mais en fait, le truc principalement qui me fait dire qu'en fait... Alors, il y a deux possibilités. Soit ça va être ça sur toute la série on va se prendre une énorme déception parce que... Bah moi perso, bah là j'étais pas content en sortant du truc. Soit c'est une série qui lui reste des cartouches et ça va tirer au fur et à mesure, peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Mais le problème déjà, c'est que c'est John Favreau à l'écriture. Le mec, c'est pas un auteur, le mec. C'est un artisan. Donc, à partir de là, tu peux pas, tu peux pas espérer un truc très quali, tu vois, en mettant un artisan. Et pareil, le réal, il est un peu rincé. Et le compositeur... C'est qui, le réal? C'est le mec qui a fait le Mars. Ouais, mais il connaît l'univers de Star Wars. Donc, quelque part, il peut nous offrir des belles surprises, je pense. Hein, donc, ouais, c'est une belle surprise avec lui. Ouais, mais le cinéma d'animation et le cinéma en prise de vue réelle, c'est différent. C'est différent, je suis d'accord avec toi, mais ça n'empêche qu'il peut très bien s'aventurer dans ça et réussir son coup. Parce qu'il connaît l'univers de Star Wars, il lui suffit juste de bien se calibrer à ce nouveau format pour lui, qui est différent. Après, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre à côté de Clone Wars. Mais moi, je pense qu'il peut nous mettre des petites surprises, du fan service aussi. Il va sûrement en mettre. De toute façon, il réalise que deux épisodes sur toute la série, mais voilà. Donc, à voir. Mais pour moi, franchement, c'est l'énorme déception. Ça fait vraiment fan film, en fait. C'est ça qui me choque le plus. Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, pas tant que ça. Mis à part la scène de fin, voilà, je trouvais que c'était plus fidèle que fan film. Non, quand je dis fan film, c'est pas film pour les fans. Je veux dire, quand je dis fan film, on dirait que c'est un mec fan de l'univers Star Wars qui a pris sa caméra, 10 potes à lui, et ils ont tourné un épisode de 40 minutes dans l'univers Star Wars. C'est ça, moi, quand je dis fan film. Comme le fan film sur Voldemort, sur les origines de Voldemort. Oui, voilà, exactement pareil. Et sauf que le fan film sur les origines de Voldemort, en termes d'effets spéciaux, c'était... Ouais, c'est un peu ça le problème. C'est... Ouais, vous êtes dur, hein, les effets spéciaux, ils étaient bien faits, quand même. Il y avait... Attends, quand il chevauche la grosse larve, là, sur le... Ouais, et bah justement... C'est un plan zénithal. J'ai trouvé hyper fidèle. Mais là, j'ai trouvé ça hyper fidèle, en fait, à la trilogie principale. Et je crois que c'était le but recherché, en fait. Non, mais je veux dire, ils font leur fer de lance. Vraiment, leur fer de lance, c'est The Mandalorian pour Disney+. Moi, si je dois mettre un seul point négatif, à cet épisode-là, il y a un seul truc qui m'a gêné. C'est qu'au moment donné où ils se barrent avec le vaisseau, on dirait même pas qu'il est dans l'espace. Il y a même pas un... Donc c'est des effets spéciaux. Non, on s'est même pas dit on va mettre un fond vert à ce niveau pour pouvoir mettre genre l'espace. T'as l'impression qu'il était dans un studio à ce moment-là. Donc j'avoue, c'est le seul moment qui m'a gêné. Ils ont dû mettre un fond vert dans le studio et après ils ont mal animé leur truc ou quoi. J'avoue que ce qu'il faisait George Lucas avec ses maquettes, c'était très bien par contre. Il avait tout compris en fait, tout simplement. Après, ça a un petit peu vieilli malheureusement, mais bon, pas le choix. Ouais, mais avec les versions Blu-ray et tout, c'est quand même largement supérieur. Hein, purée. Et moi, je les ai vus récemment, ça envoie du pâté hein, quand même. Bon, dans tous les cas, grosse déception. Toi, qu'est-ce que t'en penses du coup point de vue extérieur, vu que t'as pas vu que t'as Là, vous m'avez complètement divisé. Je te jure que ça va te perdre. Non, pas du tout. non, pas du tout, mais je sais qu'il va aimer ça. Donne-moi des arguments. Parce que je t'ai donné plein d'arguments. Je t'ai dit que c'est hyper fidèle à la trilogie principale. Si t'as aimé la trilogie principale, tu vas aimer. Sauf que je sais pas si t'es au courant et si vous l'êtes. Star Wars, je connais pas trop. Et oui, les Star Trek. C'est vrai, t'es Star Trek. On peut commencer la série sans avoir vu. L'erreur à pas faire. Quand tu connais pas l'univers, c'est se dire que le mec c'est Boba Fett. Ça, il faut pas le faire. Okay. C'est genre les Mandaloriens, c'est genre des chasseurs de primes quoi. Mais c'est style Boba Fett et Jango Fett. Et tu peux le prendre vraiment comme une série à part. Enfin, sans l'univers de Star Wars derrière, c'est mort. Si tu connais pas un minimum, ça va être rincé, tu vois. Moi, ça me donne envie pour une seule raison. Je sais pas si vous le saviez, mais Taika Waititi prête sa voix. Un druide. Mais surtout qu'il réalise un épisode avec Waititi. Ouais, il réalise, mais il prête sa voix aussi à un druide. Il l'a dit sur sa page Instagram, et comme moi, j'aime beaucoup cette énergie humaine. J'irai le voir pour ça. J'irai voir commencer la série pour ça, si elle est disponible en VO. Okay, bah, en plus, c'est rapide à regarder, donc franchement, ça va. Du coup, on n'arrive même pas à situer, en fait. C'est entre le 6 et le 7, mais on ne sait pas exactement si c'est proche du 7 ou proche du 6. Mais on ne peut pas parler de la fin, malheureusement, mais moi, je pense que je ne connais pas assez l'univers de Star Wars pour comprendre la fin et ce qu'elle implique exactement. Ah, je te dis la vérité, personne ne peut le savoir. Vu que tout est non-canon maintenant, toi, tu penses que c'est canon, mais pour Disney, tout est non-canon, à part les dernières choses qu'ils ont faites, eux, ils n'en parlent pas de ça, donc on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe. Ouais, non, mais sans spoiler, même la race, tu vois, je ne connais pas. C'est un mystère pour tout le monde, cette race-là, de toute façon. Bon, quand il le verra, Romu, mais c'est un mystère pour tout le monde. On ne connaît rien sur cette race-là. C'est ça qui est bien en fait. C'est que c'est. On sait pas d'où vraiment ils viennent et tout. Quoi qu'il arrive, c'est forcément le 6 et le 7, quoi qu'il arrive, puisqu'il n'y a plus l'Empire et il n'y a pas de nouvel ordre. En fait, moi, au début, c'est toi, vraiment, tu me l'as dit, je ne l'ai pas forcément saisi au début. Enfin, c'est. c'était pas vraiment bien présenté. Même au début, je me suis dit, c'est quoi, c'est Boba Fett qui a réussi à survivre quand il s'est fait graille et tout. Je dis, bon, on est dans Star Wars, ça peut arriver, tu vois, ce genre de choses. Et j'ai pas fait le rapprochement, moi, au départ. Hein. C'était un peu difficile de situer le truc. Quand tu m'as situé le truc, finalement, j'ai un peu mieux compris le truc. Ouais. Parce que ce qui m'a tiqueté, c'est quand il repense en fait à son passé. En fait, je dis, putain, mais c'est bizarre. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé quand il perd son daron. Ouais, mais tu vois que c'est l'acteur ou pas du tout? C'est Pedro Pascal. Ouais, bien sûr, c'est le mec qui se fait crever les yeux dans Game of Thrones. Oui, sûrement. Ah, ouais, bah c'est lui qui meurt comme ça. Il se fait tuer par la montagne. ouais, bah écoute, va pas plus loin parce que Romu est en train de spoil. Ah, bah aussi, il a rien vu, quoi, le mec aussi. C'est compliqué aussi avec lui. Bon, ma foi, on va passer au suivant. Joss, on va t'écouter parler de Le Mans 66. Ah! Ah, spoil même pas, je veux le voir ce week-end. Non, de toute façon, je vais pas en parler grandement parce que je vais faire une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais en parler en détail. Ouais. Juste ce que je peux dire sur Le Mans. Juste ouais. En PS, faut le voir en IMAX. Honnêtement, c'est pas obligatoire. Ouais, mais avec les voitures et tout, quand même, ça vaudrait peut-être le coup, tu penses? Peut-être. Alors après, je trouve que les scènes de course, même ça, sont assez bien dans l'ensemble. Je les trouve un peu répétitives et du coup, je sais pas ce que j'ai préféré dans le film, bizarrement, tu vois. À ce niveau-là, toi, le film Rush m'a beaucoup plus plu. Je sais pas d'accord. Si tu l'avais vu, mais... Je l'ai pas vu encore, mais tout le monde m'en dit que du bien, ce film. C'est Rush, c'était vraiment très bien. Alors après, Le Mans 66, c'est vraiment un bon film, c'est vraiment sympa. Christian Bale est vraiment énorme dedans et il crève l'écran, quoi. Littéralement, c'est lui qui est vraiment beaucoup mis en avant. Après, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Il dure 2h35, le film. 2h33, je crois. Ouais, voilà, c'est... Voilà, au bout d'un moment, je me suis un peu ennuyé. Je trouvais que tu peux largement enlever mes 40 minutes au film. Tu peux les enlever à l'aise. Parce que ce qu'il raconte au final, il raconte pas grand-chose. C'est... Dans le récit, il raconte pas grand-chose. Après, voilà, tu passes un bon moment. C'est sympa. Il y a des bonnes idées de réalisation. C'est bien foutu. Je trouve que l'alchimie entre Bale et Matt Damon fonctionne vraiment superbement bien. Et voilà, je trouve juste que c'est un peu trop long et un petit peu trop répétitif. Et voilà, c'est les seuls défauts que j'ai trouvés. Sinon, c'est un bon film et il mérite d'être vu. À hauteur de tes attentes ou un petit peu déçu? Un petit peu déçu. Ah, bon. Ça, mais il est très bien. Parce que moi, vraiment, en fait... honnêtement, ce film, je pensais que ça allait être dans mon top 5 de l'année, tu vois, genre 4-5e. Et là, non, il sera pas dedans, quoi, tu vois. Okay. Donc du coup, un petit peu déçu sur ça, quoi. Après, ça reste un bon film. Ah, ça serait bien que dans l'émission, on fasse à un moment donné un petit top 5 ou top 10. Bah, on le fera pour la fin de l'année. Ouais, totalement. J'avoue que c'est une bonne idée, ça. Pas de souci, pas de souci. Bah, on verra. Nous, si c'est pas Star Wars, il sera pas dans le top. Hein. Ah bah, il y a peu de chance. je sais pas par quel miracle, hein. Pendant que tu nous parles, Joss, est-ce que tu peux nous parler de l'heure de la sortie? Ah oui, alors, déjà, je tiens à remercier Romu, parce que c'est grâce à toi que j'ai vu ce film, parce que si tu en avais pas parlé dans une précédente émission, je pense que ce film, je l'aurais jamais vu de ma vie. Donc du coup, merci pour cette découverte. Et l'heure de la sortie, c'était très sympa, j'ai trouvé ça très prenant. Et c'est un peu la force du film, parce que au bout, en fait, ce qu'il a fait de très fort, ce film, c'est que la scène d'intro, elle te met tout de suite dans le film. C'est-à-dire que tu vois les 30 premières secondes, t'es obligé d'aller au bout parce que ça te lance tout de suite un mystère, ça te prend vraiment, ça t'intrigue tout de suite et du coup, pour moi, ça a vraiment bien fonctionné. C'est quoi les 30 premières secondes? J'ai peur de spoiler, quoi. C'est le prof dans la classe, il fait quelque chose. Ah oui, d'accord, oui. De toute façon, Romu nous l'avait spoilé déjà. En fait, rien qu'avec ça, ça te tient en haleine le long du film et en plus, il va se passer plein de choses qui vont te tenir. Et j'ai adoré la fin. Même si pour la comprendre vraiment dans son intégralité, il faut un petit peu se renseigner sur internet. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment super, vraiment une belle surprise. Tu veux dire que je t'ai envoyé du coup ? Oui, c'est ça. Quand je dis il faut aller sur internet, je parle de ce que tu m'as envoyé en fait. Et tu le mets dans ton top 5 le film ? Top 5, non, mais entre 5 et 10, possible. Ça se négocie, négocie. Bon, moi je vais parler de Un jour. Que Romu, je suppose que tu l'as pas vu Un jour. Non, j'ai pas eu le temps de le voir, mais alors, je vais me rattraper, je pense. Messieurs, je suis mi-figue, mi-raisin. Ah, ah merde. Le film, non, mais le film, c'est un goût personnel, très honnêtement. Le film est très, très bien, mais ce qui se passe à la fin, je ne spoil pas, j'ai détesté. Ah ouais, putain, moi, ça m'a choqué. Alors, pourquoi t'as détesté la fin? Parce que j'étais dans un mood en mode Ça, et tu vois, d'un coup, je me suis fait bolos, tu vois. Tu l'as pas senti venir? Putain, je l'ai senti venir. Si, tu le sens venir, mais le truc, c'est que je me suis dit, ils vont pas oser. et ils l'ont fait quand même. Et du coup, à la fin, j'étais en mode, bon, bah, du coup, je sais plus trop ce que le film il veut me dire, qu'est-ce qu'il essaie de me raconter, qu'est-ce qui va se passer pour lui, pour elle ou pour lui. Ah, bah, moi, justement, moi, j'ai tout de suite, ça m'a fait tout de suite penser, justement, au message du film, concrètement. Bah, pour moi, il y en a pas qu'un, tu vois, dans le sens où il y a déjà un message. C'est compliqué à dire. Je suis d'accord avec vous sur le fait que le film se rapproche beaucoup de Blue Valentine, dans le sens où c'est pas une comédie romantique classique. Je sais même pas si on peut parler de comédie romantique du tout, hein. Mais pour moi, le film faisait déjà passer un message avant que cet événement se produise. Donc, je trouve que ça alourdit le film un peu. Bah, là, au moins, à la fin, je spoil pas pour Romu, bien évidemment, mais ça te dit directement vous avez raté trop d'années. Et c'est un peu genre, comment dire, le contre-coup, en fait, hein, de bon, ça peut arriver à n'importe qui, hein, c'est ce qui se passe, c'est sûr, bien sûr. Mais c'est genre, ils ont raté trop d'années. Moi, je vois un peu ce message-là, un peu. Ils ont raté trop d'années à s'aimer. Oui, ça, vu comme ça, c'est sûr, mais en même temps, sans ça, tu l'as très bien compris aussi. Ouais, bon, ils ont voulu faire un message. C'est juste qu'il y a. Bon, voilà, on va éviter de rester sur une pente glissante. Mais. Non, franchement, ça m'a cassé le délire, moi. Non. Le film est très bien, à part ça. Mais c'est juste une question de goût personnel, tu vois. Mais je crois qu'on en avait parlé aussi pour un autre film. Je vais pas te dire parce que sinon, Romu, il va direct savoir de quoi je parle. Mais on en avait déjà parlé pour un autre film. Mais franchement, je trouve que. Faut arrêter de faire ça, quoi. J'avais juste envie de passer un bon moment à la base, moi. Donc. Alors, par contre, ce qu'on peut souligner, c'est l'alchimie entre les deux personnages qui est incroyable. Ah ouais. Ah, je suis d'accord, elle est folle. Hein. Donc voilà. Donc, écoute, je te rendrai ton Blu-ray. C'est un bon film, mais c'est un film que je pense ne pas revoir très souvent. D'accord, ok. Mais moi, je sais que c'est un film ça que j'aime bien revoir. De toute façon, toi, dès qu'il y a un film, t'aimes bien revoir. Ça, c'est le genre de film, ça, un peu coup de cœur, un peu vraiment un peu atypique, qu'on n'en parle pas. J'aime beaucoup ce type de film, un peu. Ouais, ok, bah écoute, ouais, y a pas de. Par contre, je récupérerai le Blu-ray avant que je rende. Tu veux le voir ? Bah, du coup, ouais. Mais t'as un lecteur Blu-ray, toi ? Oui. Avec une DVD en force. Bah, y'a ça. Bah, on a qu'à passer au vrai ou faux pendant qu'on y est ? Ouais. Ouais. Est-ce que tout le monde est prêt ou pas ? Je suis prêt. Donc, dans l'ordre logique, comme d'habitude, Joss, Romu et Jérém. En 2002, Steven Spielberg a enfin terminé son cursus universitaire après une pause de 33 ans. Il a rendu Ayez Intelligence Artificielle comme projet de fin d'études. Vrai ou faux ? Faux. Faux. Pardon, excusez-moi. Faux. Pourquoi faux, messieurs ? C'était la liste de Schindler dans les années, je crois. Oui, parce que le truc, le film que tu parles, c'était un film à la base de Kubrick, non ? Ah, bah, peut-être, mais je te parle de Spielberg, là. D'accord, okay. Ouais, mais d'accord. Mais moi, je dis que c'est faux parce que c'est un film différent. C'était bien en 2002, mais c'était en effet la liste de Schindler. Mais c'était bien en 2002. Donc vous avez tous un point, pardon, je vous ai mis tous zéro. C'est comme ça, c'est moi qui gagne à la fin. Les Soviétiques ont tourné une adaptation du Hobbit qui est disponible en intégralité sur YouTube. Et c'est intéressant. Vrai ou faux ? Vrai. Vrai. Moi je dirais vrai parce que je sais pas où t'as dû choper cette info. Vrai. T'as le lien ? Non, j'ai pas le lien. Je le chercherai. Ah ouais, mais nous le lien, on va voir le Hobbit. Ah ouais, non, mais c'est des barres, ton truc. Pierce Brosnan n'avait pas l'autorisation contractuelle de porter un smoking complet dans tout film autre que James Bond entre 1995 et 2002. La clause s'étendait même jusqu'à 2008. Vrai, vrai. Faux. Moi, je dirais vrai, ouais, ça paraît pas improbable. Eh bien, c'était faux. En effet, c'était bien vrai. J'ai juste rajouté la clause qui s'étendait jusqu'à 2008. Ah, mais après, t'es vicieux, toi aussi. Ah ouais. Bah, parce que moi, je savais le truc du smoking, je l'avais vu, mais après, putain, il me rajoute son petit truc de vicieux. Attends, tu t'es pas dit pourquoi pendant 6 ans, alors qu'il fait plus de James Bond, il peut pas porter de costume ? Ah bah, je sais pas. Moi, je porte plainte. Il y a vice caché. Non, ouais, non, il y a zéro vice caché, frérot. Il y a cerveau caché chez vous, ouais. Quatrième affirmation. Et dernière, c'est court aujourd'hui. Walt Disney a refusé qu'Alfred Hitchcock tourne à Disneyland au début des années 60 car il avait réalisé l'horrible film Psychose. Vrai. Faux. Bon les gars, vous savez comment je suis fou, arrêtez de dire vrai dès qu'il y a un truc qui est un peu cohérent. Moi je dirais faux, je sens qu'il fait une fin. Bah moi j'ai que c'est vrai. Et toi? J'ai dit faux. Ok, bon bah c'est bien, Jérôme, t'es fait avoir comme un jambon blanc beurre. Eh oh, tu vas te calmer. Hein. C'était vrai. Voilà. Donc, bien joué à Joss avec 3 points. Et Romu avec 3 points, ex aequo. Et Jérôme de en perdant. Super. Voilà. Une dernière pour vous départager. Allez, vas-y. Bah, attendez, faut que vite fait, faut que je pense à un truc. Ça va être une question ouverte. Celui qui se rapproche le plus. Ah voilà, ça m'excite. C'est sur Nolan en plus, hein. Oh putain, non, la pression. Je peux participer juste comme ça, même si je. Ouais, tu peux participer, ouais. Tu gagneras pas. Christopher Nolan n'a jamais vu aucun de ses films être qualifié de pourri sur le site Rotten Tomatoes. Quel est son film le moins bien noté et quel est le pourcentage? Alors attends. Alors, quel est le pourcentage du film le moins bien noté sur Rotten Tomatoes? Pour 80%, et je crois que c'est Inception. Ok. Moi, je sens un truc bien, bien bas. Je sais pas pourquoi. J'ai pas le film. Je dirais peut-être. Bon, allez. Insomnia avec 53%. Ok. Et toi Moi, je dirais pareil. Insomnia et à 60%. Ok. Bon, sur le film, vous avez tous tort. C'est Le Prestige. Ouais. Et le pourcentage le plus proche, c'est Joss avec 81% au lieu de 76%. Et voilà, les gars. En même temps, c'est bad Joss. Hein. Donc, c'est-à-dire que Nolan, il connaît bien. La braguette, il descend souvent. Et j'ai une photo avec, en plus. Et on a fait plus qu'une photo, je tiens à vous le dire. Tu mettras la suite sur ta page Jacques et Michel. Exactement. Vos recommandations, messieurs? Alors, moi, je vais parler de la série qui est sortie en septembre, que je ne dis pas de bêtises. 2019, ouais, c'est ça. Ouais, je dis pas de bêtises. C'est Unbelievable. Unbelievable. Voilà, c'est ça. Incroyable en québécois pour les plus adeptes. Si vous regardez la bande-annonce, déjà, ce qui est intéressant sur cette série-là, c'est que ça va rien vous dire concrètement. Ça va vous dire juste ce qui peut se passer dans l'épisode 1. Donc ça, c'est bien. C'est assez rare pour le noter dans les bandes-annonces. Hein. On est bien au courant, pour le coup. Donc, ça parle d'une... une fille qui va se faire violer, en fait, concrètement, qui se fait violer. Ça commence comme ça, le postulat de base. Ou pas, mais le postulat de base, c'est comme ça. Ça commence, elle se fait violer. Voilà. Ça commence comme ça. Et il y a des doutes qui vont s'émettre sur elle. Quoi, est-ce qu'elle s'est fait vraiment violer ou pas? Donc, le truc, c'est qu'il va avoir beaucoup de doutes sur elle jusqu'au moment où elle va dire qu'elle ne s'est pas fait violer. Mais concrètement, le spectateur sait très bien ce qui s'est passé. Voilà, le spectateur le sait, c'est pas du mensonge ou quoi que ce soit, on le sait concrètement. Et ce qui va être intéressant, c'est ce qui va se passer. Tu le verras, tu l'as vu la série? Ouais, on en débattra après. On en débattra après, mais pour moi personnellement, tu le sais. Donc y a pas de, et pour moi, il n'y a pas de ou pas, tu le sais quand même, parce que tu le vois visuellement. Et du coup, oui, certes. Ça, on va s'intéresser, donc ça se passe en 2008, 9, ça se passe 3 ans plus tard. Il y a des enquêtrices qui vont faire, qui vont découvrir justement sur deux secteurs différents des viols qui a eu lieu avec le même procédé, on va dire. Donc serial killer directement, même s'il tue pas. Donc on va dire c'est des procédés sexuels. Donc du coup voilà, c'est deux enquêtrices du coup qui vont s'allier ensemble du coup pour découvrir qui est cette personne-là. Voilà, donc c'est une enquête super passionnante. Pour moi, c'est un mélange entre True Detective et Mindhunter, clairement. On est clairement dans cette ambiance-là. Et je trouve que ça paye pas mine comme ça. Super bien réalisé. L'histoire est extrêmement prenante. Voilà. L'histoire, justement, avec la première fille du début, là, que personne n'a cru après, voilà, si elle s'est fait violer ou pas. Son développement de personnage va être extrêmement intéressant. Voilà. Et après, on s'imagine bien, après, on en revient sur elle forcément à la fin, pour comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. C'est une série de 8 épisodes qui s'avale très rapidement. Moi, en une journée, c'était plié. J'ai adoré cette série. Je ne sais pas ce que vous avez envie de la voir, en tout cas, mais elle est sur Netflix et elle est très bien. Il y a qui au casting? Il y a Toni Collette. Excellente Toni Collette. Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais, j'adore Toni Collette. C'est celle de Hérédité, c'est ça? Ouais, oui. C'est ça. Ouais. Ouais, quand je l'ai vu, j'ai dit putain, me fait peur même comme ça. C'est vrai qu'elle a pas un faciès très agréable, quoi. Comme non, mais ouais. Mais comment elle est badass dans la série, par contre. Ah, elle est stylée, ouais. Bah, par contre, juste pour moi, t'es allé un peu trop loin dans tes explications parce que je trouve que vraiment la série tenait sur le fait que ça s'était passé ou pas et bah, je trouve que tu l'as dit, quoi. Pas du tout, non, tu le vois dès le début. Tu le sais dès le début, il n'y a pas de peut-être ou pas. Tu le sais dès le début. Après, je pense que ça dépend des points de vue aussi. Mais tu t'es pas dit la Real elle joue avec moi. Même pas. Pour là, non, même pas. J'étais persuadé. J'ai vu ça et je me suis dit ok, c'est juste qu'elle ne sait pas réagir avec les inspecteurs et tout. Elle n'a jamais eu la vie qui était de son côté à chaque fois. Donc, elle s'est dit écoutez, je vais aller dans le sens des enquêteurs et puis c'est tout. Tout simplement. Okay. C'est juste qu'elle en avait plein le cul, en fait, tout simplement. Mais pour moi, dès le début, tu le vois, en plus, il te montre les scènes. C'était tout de suite, je me suis dit, ouais, c'est vrai ce qui s'est passé, mais personne ne va la croire. Donc voilà. Donc du coup, j'ai deux séries à regarder ce week-end. Franchement, elle est rapide, celle-là, regarde. Hein. Franchement, un épisode par soir, hein, c'est plié. Hein. Par soir, non, je vais essayer de faire ça rapidement. Enfin, ou regarder le premier, au moins. Ah, moi, après, j'ai binge-watché ça vraiment en une journée après ça, ou une après-midi, mais ça se mate vite après. Et c'est des épisodes de combien de temps? C'est 40 minutes, je crois. Oui, c'est 40 minutes. C'est je crois qu'il y en a un ou deux qui est de 50 minutes. Voilà, mais concrètement, ça ne dure pas super longtemps. Et il y a une saison 2 de prévue ou... C'est ça vient tout juste de sortir. C'est une histoire vraie. Oui, c'est tiré d'une histoire vraie. Enfin, de quelque chose qui, je pense, ils se sont fiés par rapport à la fille. Juste de la fille, je pense. Le reste, je ne sais pas si c'est vrai après. Si, c'est vrai. Tout est vrai ? Ok, d'accord. Je ne me suis pas intéressé. La série, tu l'as découvert comment ? Par hasard, je cherchais une série avec Marie. T'as vu quoi avant? T'as vu un trailer? T'as vu quoi? J'ai vu un trailer et au début, je regarde le trailer, je dis waouh, ça a l'air pas ouf. Par contre, j'ai vu la scène, juste la scène avec qui est badass là de Hérédité là. J'ai dit bon allez, pourquoi pas? Je mets le premier épisode, je dis waouh, c'est ouf. Et je dis ça ressemble beaucoup à Mindhunter et à True Detective, donc du coup, ça m'a fait kiffer. Ok, d'accord, très bien. Très bonne série, je conseille. Elle est sur Netflix, hein, il l'a pas dit. Ah, si, okay. je l'ai dit. Ah oui, j'ai pas entendu, j'ai pas capté. Bah alors, très bien. Écoute-le un peu. Mais je crois que ma copine l'a regardé cette série, je crois. Bah c'est franchement, t'as envie de savoir la suite directe en fait, c'est ça le truc dans cette série. Et okay. je trouve le format 8 épisodes, c'est parfait. Genre, c'est comme Sorting Reason Why. Ils auraient dû l'appeler 8 Reason Why, tu vois. Ils auraient dû faire 8 épisodes. C'est 13 épisodes, ouais, pourquoi pas, mais bon, c'est trop. Je vois. Moi, je vais vous parler d'un long métrage sorti en 1986 avec Robin Williams dans le rôle titre. Le film s'intitule Seize the Day. Est-ce que vous en avez entendu parler? Redis le titre du film. Seize the Day. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je pense que ça se dit Seize. Ah ouais, peut-être. Seize. Non, pas la taille, oui, pardon. C'est pas Seize. C'est Seize. C'est pas plutôt, Super Seize Me. Ouais. Ah non, ouais, clairement pas. Bah non, moi je connais pas perso. D'accord. Je connais pas non plus, oui. D'accord. Et toi, tu m'as dit quoi, que tu en avais entendu parler? Ouais, j'en ai entendu parler. D'accord. Bah, je vais essayer de vous donner envie de le voir parce que Robin Williams, c'est un acteur incroyable. Ouais, déjà. Donc, je vais vous donner le synopsis. Donc, le film suit le destin tragique d'un commercial qui, après avoir tout perdu, sa fiancée, ses deux enfants et son travail, décide de se relancer en tentant sa chance à New York. Mais en plus d'affronter la grande ville, il devra également se mesurer à son père. Voilà. Donc mon avis, CZD, c'est un drame psychologique qui pose un regard sans concession sur le monde de l'argent, symbole de grandeur, comme tout le monde le sait, mais aussi source de conflits évidents. C'est dans ce cadre-là que le personnage de Robin Williams, qu'on pourrait qualifier de loser, voilà, j'en dis pas plus, va évoluer et se livrer sur le plan physique, donc, avec la loi du plus fort, il y a tout ce concept de la loi du plus fort, et sur le plan moral. Donc, on aura une lutte entre un père et son fils. Le film est construit comme une spirale infernale dans laquelle le personnage de Robin Williams se retrouve prisonnier. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur ça. L'acteur se la donne physiquement. C'est incroyable de le voir courir dans tous les plans, dans toutes les séquences. T'as l'impression qu'il est inépuisable. Vraiment. On le voit même vraiment littéralement transpirer. Voilà. C'est pour moi une des prestations de sa grande et riche carrière. Voilà. Donc j'ai vécu Seize the Day comme une expérience épuisante sur le plan physique et rageante, car on suit le destin tragique d'un pauvre homme dont on connaît l'issue sans pouvoir intervenir. Donc je vous recommande ce film pour la prestation physique fascinante de Robin Williams. Et le traitement de son sujet que la mise en scène magnifie. Point. Okay. Eh ben, rajouter. De toute façon, rien que pour Robin Williams, il faut voir, je pense, ses films. Que c'est un grand acteur et du coup, ben voilà, ça en fait un que j'ai pas vu et ben, ça serait avec plaisir. Exactement, mais j'en avais vu un récemment, enfin que j'ai pu Brooklyn, je sais pas quoi là, qui était vraiment pas terrible. Hein. Donc il a fait 2-3 films, je pense. Mais c'est pas son dernier là. De quoi? C'est pas son dernier. Il y avait qui d'autre dans le film? Ah, c'est peut-être son dernier, ouais. Mais putain, c'était vraiment nul. Hein. Oh, j'avais pas aimé. Moi, en tout cas, moi, j'avais vraiment pas aimé. Mais bon, c'était objectivement pas fou. C'était un direct-to-video, il me semble. Et d'ailleurs, le trailer était sorti des mois après son décès, je crois. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, mais bon, tu peux faire très bien du direct-vidéo et que ça soit quand même plus ou moins... Ouais, bah c'est rare. C'était vraiment pas top. Un direct-to-video, quand même... Ouais, mais c'est... On va dire, c'est... Moi, ça m'a... Voilà, c'est... Ma gêne, c'était Robin Williams, je me suis dit, putain, merde, bah, c'est une tâche un peu, tu vois, dans son CV. Bon, après tous les grands films qu'il a fait, il a eu un Oscar et tout pour Will Hunting, c'est un grand acteur. Après, malheureusement, il a plus besoin de CV, quoi. Ouais, non, mais c'est, il a un super CV, ce mec-là. Donc, après, c'est pas très, très grave d'avoir fait un ou deux mauvais films. Mais celui-là, il était vraiment, pas fou. Mais en tout cas, ton film, là, me donne vraiment envie, là. Tu m'as dit tout plein d'aspects du personnage qui m'intéresse beaucoup, donc, ouais. Pourquoi pas. Après, si vous connaissez Robin Williams, vous savez que vous saviez dans sa vie de tous les jours, c'était un mec vraiment hyperactif. Et c'est cet aspect-là de l'homme qu'on retrouve dans le film. Et moi, j'ai trouvé ça hyper fascinant à le voir vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, courir d'un bout à l'autre de la scène. On voit vraiment transpirer dans le film. Et c'est fascinant. On a l'impression qu'il s'arrête jamais, que le film il a été tourné. Tout homme transpire, hein, je te rassure. Oui, sauf que Robin Williams, il était connu pour sa... Pour sa non-transpiration. Forte pilosité. Je sais pas si vous le saviez. Certes, mais. Ça se voit qu'il a des poils. Si on va par là. Moi, un film marquant de Robin Williams, tu vois, je pense que c'est peut-être même mon préféré. Bah, ça va être son film Jack. Voilà, c'est un film peut-être qu'on parle très peu dans sa carrière, mais je trouve que Jack, c'est son plus grand film. On en parle pas mal, quand même. Peut-être depuis qu'il est mort, tu vois. Mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit waouh, Jack, tu l'as vu, il est génial. Moi, personnellement, jamais. Hein. Surtout qu'il n'y a même pas eu de sortie Blu-ray et tout, donc c'est pas un film, je pense, qui mise beaucoup. Pourtant, c'est un très grand film de cet acteur-là, que je conseille d'ailleurs. De qui tu voulais nous parler? Oui, je voulais vous parler de... Attends, je vais tourner la page. Je parie que tu vas nous parler de la VF de Robin Williams. Eh non. Ah, piégeux. Bim, allez. La VF de Robin Williams, c'est pour les ménageurs. Hein. Non, je vais vous parler de la VF de Will Smith. Non, c'est pas vrai. Oh putain. Il y a pas de VF, c'est Will Smith qui se double en France. C'est lui-même, hein. C'est genre, il est beaucoup trop fort. C'est dégueulasse. Non, moi je voulais vous parler de Jean-Pierre Michel. Est-ce que ce nom vous évoque? Ouais, ça me parle. Je connais un Jean-Pierre et un Michel. Bah, alors Jean-Pierre et Michel ensemble. Je connais c'est pas trop, non. C'est particulier. Vas-y, après je nous ouvre France, là, tu vois bien qu'on connaît pas. Alors, étant amateur de VF, comme j'ai pu vous le dire quand on a parlé de Sonic, j'ai eu envie de vous parler d'un comédien de doublage que j'aime particulièrement et que vous aimez très certainement. Ouais, donc Jean-Pierre Michel est le 490e sociétaire de la comédie. Donc c'est une institution culturelle française assez connue, assez populaire. Il a une grande carrière théâtrale avec plus de 40 pièces de théâtre à son actif. Il a joué dans plusieurs séries et téléfilms français comme Joséphine Ange Gardien, Shérif, Section de Clocher. Oh le troll! Laissez-moi terminer! Pardon! Retenez-vous un peu. Vous n'êtes pas au bout de vos canaux. Donc il a joué dans Shérif, Section de Recherche et Candice Renoir aux côtés de son actrice Cécile Bois. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec son travail en tant que voix off et comédien de doublage. De 2009 à 2012, il a été la voix off de Virgin Radio. Et de fin 2012 à fin 2017, il a été la voix officielle de la chaîne C8. On a pu entendre cité pour des marques comme Castorama, Beko ou bien encore BMW. Pour l'instant, tu ne me vends pas du rêve. Hein. Non, mais justement, ça monte crescendo. Dans le domaine du doublage, il est la voix régulière de, accrochez-vous bien, Brad Pitt, Keanu Reeves, Michael Fassbender, Ethan Hawke, Timothy Olyphant et Damien Lewis. Et mais qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme-là? Il a une carrière riche et moi je trouve ça intéressant. Mais de ouf, le mec il a tout fait. C'est aussi la voix récurrente de Ludlow, Jim Caviezel et Carl Urban. Donc cette année, vous avez pu entendre sa voix dans John Wick 3, Ad Astra, Once Upon a Time in Hollywood, Captain Marvel ou encore la série The Boys, dans laquelle il double le personnage de Carl Urban. Autant de productions qui ont rythmé notre année cinématographique à tous. Donc avec sa voix claire, que nous avons tous déjà entendue au moins une fois, Jean-Pierre Michel est selon moi un comédien de doublage emblématique du paysage audiovisuel que je placerai au même niveau que les grands, à savoir Richard Darbois, ceux qu'on a cités. Ah, c'est au même niveau, hein, même. Hein. C'est au même niveau. Ouais. Hein. C'est genre avec la même voix que le mec qui fait Bruce Willis et tout. Hein. Ouais, j'avais noté aussi, ouais. Patrick Poivre. Tous les acteurs qu'il fait, c'est dingue, c'est dingue. C'est reconnaît, on le reconnaît de très très loin. C'est ça, c'est un acteur. Ah bah ouais. Ah putain, limite, je pensais que t'allais me parler de Plus belle la vie à un moment donné. Non mais justement, j'ai fait exprès. Comme... Ah ouais, il a dit Joséphine, tu vois. Ça m'a fait gaulerie direct, tu vois. Par contre, je vous invite à regarder déjà ce qu'il a fait sur Internet et à regarder son visage, parce qu'il a vraiment une tête de beau gosse. Dans le monde du doublage, c'est assez particulier. Vraiment. Ils ont tous des sales gueules à la base. Non, mais c'est pour ça qu'ils ne sont pas comédiens, quoi. Mais vraiment, quand tu verras son physique, tu te diras, ouais, lui, il a une de cinéma. Et... Attention, si tu doubles Brad Pitt, il faut que tu assumes. Hein. Il faut être au top. C'est clair. Ouais. Et Keanu Reeves aussi, ouais. Et avec Keanu Reeves aussi, ouais. Parce qu'il n'est pas dégueulasse, quand même, Keanu Reeves. Voilà. D'ailleurs, en fait, j'ai vu, là, il n'y a pas si longtemps que ça, là, le premier film de Keanu Reeves l'a réalisé, là, Man of Fire, je crois que c'est ça. Man of Tai Chi. Non, voilà, Man of Tai Chi plutôt. Rien alors, c'est Man on Fire, c'est autre chose. C'est avec Denzel Washington, c'est ça. Ouais, c'est ça. Rien à voir. il était très bien, ce film. Voilà, c'était juste pour faire la petite aparté. J'ai beaucoup aimé ce petit film. Il y avait des petits défauts, mais franchement, il était très bien. D'ailleurs, il y avait le premier rôle de... Un de ses premiers rôles, j'imagine, du mec de The Red. Echo Waze, ouais. C'était sûrement un de ses premiers rôles. Peut-être pas le premier, mais un de ses premiers. Bah, The Red, c'était avant, je crois, donc... C'était avant The Red Non. T'es sûr, il était très jeune, hein, quand même, d'un joueur dans le film. Il était très, très jeune. Hein. Ouais, peut-être si ça doit être quoi, 2013-2014 ouais. The Red, je crois que c'était avant. Hein. 2012-2013, ouais. Ouais. Et je voulais ajouter un truc à ma chronique, si ça vous dérange pas. C'est une citation du comédien de doublage qui va finir sous forme de question. Il a déclaré qu'il aimerait voir le nom des comédiens de doublage à la fin du générique, placé à côté du nom de l'acteur qu'il double. Qu'en pensez-vous ? C'est une face un peu, on en parlait la semaine dernière, c'est une face un peu plus cachée du cinéma, mais bon, sans le doublage, en vrai, ce serait horrible, quoi. Enfin, je veux dire, avec un doublage de mauvaise qualité, tu le vois, et là, t'as envie de cacher le mec. Pour moi, les en France, ils ont créé un truc jamais vu pour moi, parce qu'ils sont capables de se substituer à l'acteur qu'ils doublent. Ah non, mais nous, c'est très fort. Nous, on a des voix, mec, en France, c'est dingue. Mais moi, tu vois, je trouve que c'est une super bonne idée, ce que tu dis. Mais j'en suis sûr que s'ils font ça, ça va faire une polémique. C'est pas le jeu vidéo, encore, peut-être c'est différent, tu vois. C'est pas tout le temps qu'il y a des acteurs qui prêtent leur visage, leur trait et tout pour. Mais pourquoi ça ferait polémique ? Bah, les gens, ils vont dire, ouais, c'est VO et tout, pourquoi vous regardez en français et tout. Alors qu'en français, on a des bonnes voix, mais il y en a qui c'est des puristes en VO sous-titré français, tu vois. Ouais, donc il y en a qui. Ouais, mais tu verras. Je suis sûr. Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Mais je sens les polémiques, mec, qui va venir sur ça. Moi, je pense que ça fera pas polémique dans le sens où, à part les films à post-générique, les gens ne regardent pas le générique de fin. La plupart des gens ne regardent pas le générique de fin, donc ils s'en fichent un peu. Ouais, c'est un argument, c'est vrai. C'est vrai. Surtout même dans les trucs Netflix et tout. Genre, maintenant, tu peux même pas les regarder, limite. Ils te mettent directement l'épisode d'après. Bah, je trouve aussi que la langue française aussi s'y prête en fait à pouvoir jouer un peu tous les acteurs. Je trouve que notre langue s'y prête beaucoup en fait à tout ça. Donc je trouve qu'on est très très fort dans tout ce qui est doublage. J'espère que ça vous a plu, ce 7ème fréquence. Ah, il était génial, ce 7ème fréquence. Ouais. J'aimerais, bien, bon. J'aimerais bien qu'on arrête un peu les vrais ou que tu reprennes ce que tu faisais avant. J'aimais bien aussi. On va devoir faire un débat là-dessus. Qui veut arrêter les vrais ou faux, messieurs ? Moi, je pense que tu peux faire du vrai ou faux, mais moi, pas en forme de jeu, peut-être. Raconter une ou deux anecdotes par-ci, par-là, et qu'on en débatte. Tu vois, je trouve des anecdotes assez drôles et qu'on en débatte. Mais le choix, c'était pas mal, je trouve. Ouais, moi, j'aime bien moi, le choix, un peu. Je trouve que ça met plus de débats et tout, c'est plus intéressant. Moi, j'aime bien les deux. Ce serait bien que tu puisses alterner. une semaine sur deux. Voilà, bah, alternance, c'est très bien. Mais les vrais ou faux sont intéressants. J'en apprends chaque semaine grâce à toi. Et je te remercie. On peut le remercier d'ailleurs. Merci. Ouais, voilà. Merci. Bravo, bravo, bravo. Tu pourras mettre un petit. Tu pourras mettre. Bon, bah écoutez, merci beaucoup et à bientôt. Merci, ouais. Bah, à bientôt.